pense plus. La nuit chante plus, la nuit chante plus, la nuit danse plus, la nuit danse plus. Nous prie qu'au cyclone il cesse, papa travaille plus, maman non plus, maman non plus, la nourrit plus, la nourrit plus. Tout y enferme à nous, de l'eau il dévore partout. Attention cyclone créole, sorte pas dans le chemin. Calanda cyclone créole, donne-nous la main. Attention cyclone créole, sorte pas dans le chemin. Calanda cyclone créole, donne-nous la main. Quand cyclone est fini, tout le monde y fait pitié. Mais souviens du cyclone Jenny, l'île était endeuillée. Lendemain cyclone Jenny, créole était découragée. Mais souviens du cyclone Jenny, la terre, il fallait remuer. Nous gratte la terre, nous pense aux filles, papa, maman, les avec nous. Merci mon Dieu, nous les heureux, papa, maman, les avec nous. Tu peux chanter, recommencer, nous les comptons, nous écoute papa causer. Maman y rit, maman y est fini. Ça qui compte plus pour nous, papa, maman, on est avec nous. Cyclone est fini, créole, il faut recommencer. Nous la n'a courage, créole, nous fais pas pitié. Bon, pour le moment, c'est pas encore la saison. Non. Donc tout va bien. Ah, tout va bien, vous inquiétez pas, on est là. Tout va bien, on est reparti pour une nouvelle semaine. Bonjour Mickaël. Bonjour Isabelle, bonjour La Réunion. Comment il est, ça va? Mais ça va, eh ben, le ça week-end est passé bien. Par là. Eh ben on y va alors, il est allez, 5h c'est sur parti. La première. Le journal de la rédaction, Florent Marot, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. L'incendie à la montagne n'est toujours pas maîtrisé ce matin. Le dernier foyer proche de la falaise est difficile d'accès. Depuis vendredi, le feu a détruit plus de 70 hectares de végétation. La route du littoral est basculée côté mer ce matin entre Saint-Denis et la Grande Chaloupe. Près de 5000 personnes ont dit non hier à la carrière de Bois Blanc. Elles ont formé une chaîne humaine entre l'étang Salé et Saint-Leu sur l'ancienne RN1. Une manifestation organisée par le collectif Touche pas nous troche. Et puis en foot, D1R, Sainte-Marie est revenue ce week-end à un point du leader Saint-Pierrois, retenu aux Seychelles pour la CCOI. La Coupe des clubs champions qui démarre aujourd'hui pour les Cigognes, ce sera face à Maurice. Pas de répit pour les soldats du feu. Depuis vendredi, lutte contre un important incendie à la montagne. 70 hectares de végétation sont partis en fumée. Ce matin, un seul point chaud n'est pas maîtrisé. Un foyer proche de la falaise est difficile d'accès. A priori, pas de risque pour les habitations, mais la route du littoral a été partiellement basculée. Les précisions du commandant Patrick Ramassamy du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours. En début d'après-midi, on était en situation favorable puisque plusieurs points chauds ont été traités par les moyens terrestres. Suite à une reconnaissance, on a un point chaud qui se situe en falaise, d'où le gros problème du basculement qui est malheureusement est maintenu puisque on a quand même un risque potentiel de chute de pierre. Sur le site, le point chaud se situe à peu près à 15 mètres par rapport au plateau qui est au sommet, et il est vrai que l'hélicoptère ne peut pas larguer d'eau sur cette falaise. Et on va engager quand même des moyens terrestres, des équipes spécialisées pour pouvoir atteindre ce foyer au moyen de jets d'eau. Vu la dangerosité du site, les moyens seront engagés à 6 heures et un point de situation sera fait vers midi pour voir où ça en est, si la route du littoral reviendra en mode normal. On l'a entendu, les opérations reprennent à 6 heures ce matin. La route du littoral est basculée entre la Grande Chaloupe et Saint-Denis. Vous avez deux voies actuellement pour venir sur le chef-lieu. On vient d'entendre Patrick Ramassamy, commandant hausse 10. Sur la route, les contrôles ont été organisés ce week-end. 176 infractions ont été relevées, dont 125 excès de vitesse. 13 permis ont été retirés. Les motards de l'escadron départemental de sécurité routière ont également intercepté 19 personnes qui téléphonaient au volant et 18 qui conduisaient avec de l'alcool dans le sang. Aux assises, le bourreau du petit Kélian, 2 ans, sera jugé à partir de demain. Stéphane Bocage avait frappé l'enfant pendant des mois à Saint-Joseph. Il a reconnu les faits, mais affirme que la mère était au courant. Aujourd'hui, la cour examine une affaire de viol sur conjoint. Verdict dans la journée. 5000 personnes se sont retrouvées hier dans l'Ouest pour dire non à la carrière de bois blanc. Le collectif Touche pas notre roche a réussi son pari. Les manifestants ont formé une chaîne humaine sur l'ancienne RN1 entre l'étang Salé et Saint-Leu. Parmi eux, cette habitante de Bois de Nèfle Saint-Leu. À 81 ans, elle s'inquiète non seulement pour sa santé, mais aussi pour les générations à venir. La route, ça va faire détruire la Réunion pour faire cette route-là. Mais nous n'aurons pas une route à mon âge, mais il n'y aura pas. Mais les générations vont venir, il n'y aura pas de route comme l'a fait la route en Cornice. Chaque fois qu'on a un mauvais temps, il fait dépenser, je ne sais pas combien, millions pour remettre filet, pour décaper la route, pour passer qu'on a beau temps. La nouvelle route, ça va construire dans la mer. L'ouragan, comme Nounana, quand on a mauvais temps, ils sortent là, ils s'abattent dans le cap là-haut. Est-ce que le pilier que je vais mettre dans la mer va supporter la route? Ça veut dire qu'on n'aura pas une route encore, qu'on aura mauvais temps. Une gramoune opposée à la carrière de bois blanc, interrogée par Priscilla Etève. Présent également hier, Thierry Robert a de nouveau exprimé son opposition à l'exploitation de la carrière de bois blanc. Il est revenu sur l'enquête publique du pipeau, selon le député maire de Saint-Leu. Il affirme également que les enquêteurs n'auront pas de locaux sur Saint-Leu. Les carrières, le chantier de la nouvelle route du littoral, on en reparlera à 7h15 avec l'invité de la matinale. Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Vanessa Miranville, maire de la Possession et présidente du mouvement citoyen La Réunion en Action. On parle emploi maintenant avec cette expérimentation qui vise à réduire le chômage de longue durée. 10 territoires doivent être sélectionnés dans toute la France et la commune du Port a postulé pour le quartier de la Rivière des Galets. Si le dossier est accepté, près de 200 chômeurs de plus d'un an se verront attribuer un CDI rémunéré au SMIC. Une très bonne nouvelle pour Jean-Hugues Gratenon, mais il faut faire vite. Le président du mouvement Résistance Égalité 974 demande aux collectivités et aux institutions de soutenir la mairie du Port. C'est une nécessité parce que les régions qui se sont positionnées dans l'Hexagone, le taux de chômage tourne autour de 6, 7, 8% maximum. Sur le territoire de la Rivière des Galets, ça tourne autour de 35, peut-être même 40%. Le chômage de longue durée est de 10 points en dessous dans l'Hexagone par rapport à la Réunion. Donc il y avait nécessité de mettre en place cette expérimentation. C'est pour cette raison qu'on lance un appel aussi à Mme la ministre Erika Barège pour qu'elle mette le paquet pour que la Réunion soit sélectionnée. Jean-Hugues Ratenon, le président de Résistance Égalité 974 au micro Réunion Première de Lisourdel. 5h06 sur la première, la suite du journal, Florent Marot. Mohamed Merah lui a pris son fils le 11 mars 2012. Latifa Ibn Ziaten est actuellement dans l'île, invitée par le collectif Partage pour la Paix. Hier, elle a participé à un pique-nique partage à l'occasion de la journée de la non-violence. Une centaine de personnes s'étaient déplacées jusqu'à la grotte des premiers Français à Saint-Paul. Un arbre a été planté, tout un symbole pour Latifa Ibn Ziaten, le vivre ensemble réunionnais est une réalité. Il y a toutes origines, toutes confessions, et les gens ils se posent pas de questions. Et ça pour moi c'est un message que je vais apporter avec moi. Et j'ai dit, je passe ce message aux réunions, faut pas lâcher, surtout faut le garder. C'est vraiment une richesse, voilà. Aussi de changer avec les jeunes. Est-ce qu'ils ont la même idée que les gens à l'Hexagone? Et je vois beaucoup de jeunes ici, il y a des rêves. C'est formidable quand je pose la question à une jeune, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Je veux être infirmière. À l'Hexagone, je demande certains établissements scolaires, qu'est-ce que vous ferez plus tard? Est-ce que vous avez des rêves? Non, madame. Est-ce que vous avez d'espoir? Non, madame. Vous voyez la différence? Et ça me choque. Et là, ça me donne la joie. Voilà, c'est l'avenir. Latifa Ibn Ziaten au micro Réunion Première d'Olivier de la Richaudie. La visite continue aujourd'hui à l'ancienne gare ferroviaire de Sainte-Suzanne. Rendez-vous à 14h cet après-midi. On passe au sport avec d'abord de la course à pied. Plus de 800 coureurs ont participé hier au 62e relais de Saint-Denis. Près de 6 km en plein centre-ville avec le départ et l'arrivée devant l'hôtel de ville. Dans la course des As, c'est l'équipe Les Copains d'abord du club de la montagne qui s'est imposée. Elle devance l'Entente du Grand Sud et l'équipe Run Oxygène. En football, fin hier de la 13e journée de D1R, la Petite Île a battu la Capricorne 3-0. 0-0 entre le SDFA et les Marsouins de Saint-Leu. Score nul et vierge également dans la rencontre Saint-Denis FC AS Sainte-Suzanne. Jacques Adler, le coach dionysien, regrette le manque de réalisme de ses protégés. Mais l'efficacité, surtout en premier temps, on a eu quelques occasions décisives, on a manqué d'attention devant le but. Donc à partir de là, c'était difficile après. Premier temps, bien en place, bien discipliné, pas mal d'occasions de but. Dommage, on n'était pas réaliste. En deuxième temps, un petit peu moins bon. Équipe adverse, ils ont plus fermé le jeu. Ils ont posé quelques problèmes dans nos jeux, dans la mise en place. Les déceptions, c'est la première mi-temps. Si on était un petit peu plus efficace, plus réaliste, on pouvait faire mieux. En deuxième mi-temps, je pense que le jeu est équilibré. Jacques Adler, entraîneur du Saint-Denis FC, interrogé par Jean-Claude Touahir. Samedi soir, la Sainte-Marienne s'est imposée 3-1 sur le terrain de la Saint-Pauloise. Sainte-Marie qui revient à un point du leader Saint-Pierrois. Les Cigognes sont actuellement aux Seychelles pour la Coupe des clubs champions. Saint-Pierre affronte aujourd'hui les Mauriciens du Cercle de Joachim. Coup d'envoi à 17h. C'est la fin de ce journal local. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Ce matin, Thomas Pontillon. Le président colombien reconnaît la victoire du non au référendum censé valider l'accord de paix avec les FARC, qui est 50,20% de la population l'a rejeté. Une énorme surprise et une claque pour le gouvernement. Le cessez-le-feu n'est pas remis en cause, assure le chef de l'État. Le responsable des guérilleros assure aussi qu'il veut toujours la paix. Ce résultat risque aussi de plonger le pays dans l'incertitude. Le président assurait ne pas avoir de plan B en cas d'échec pour ce référendum. Autre vote en Hongrie, le référendum anti-migrants est invalidé car c'est l'abstention qui remporte le scrutin. 98% des électeurs pourtant ont voté pour la politique du Premier ministre, très opposé aux réfugiés. Mais seulement 39% des inscrits se sont déplacés. La loi hongroise exige au moins 50% de participation pour valider un référendum. C'est donc un revers pour Viktor Orban, le Premier ministre. Un pays de plus ratifie l'accord de Paris sur le climat et pas n'importe lequel puisque c'est l'Inde, troisième émetteur mondial de gaz à effet de serre qui vient de signer le document. L'accord est sur le point d'entrer en vigueur. L'Union européenne devrait elle aussi le ratifier dans les prochains jours. En Éthiopie, au moins 52 personnes sont mortes dans un mouvement de foule lors d'un festival. Des violences seraient à l'origine de cette immense bousculade. La police aurait ouvert le feu lorsque la manifestation a dégénéré pour protester contre le gouvernement. L'opposition estime que le bilan est plus élevé et dépasserait les 100 victimes. Arnaud Montebourg participera bien à la primaire de la gauche organisée par le Parti Socialiste. L'ancien ministre de François Hollande promet d'en accepter le résultat et de soutenir le vainqueur. Plus tôt dans la journée, le PS a défini le cadre de ce scrutin. Au moins 8000 bureaux de vote seront installés. 5 candidats sont déjà déclarés pour la primaire. Benoît Hamon, Marie-Noëlle Lienemann, François de Rugy, Jean-Luc Benamias et donc Arnaud Montebourg. Manuel Valls veut lui réveiller la gauche et sonne la mobilisation avant la présidentielle. Le Premier ministre se dit en premier de cordée pour défendre le bilan de François Hollande. Il égratigne aussi Emmanuel Macron, qu'il accuse de verser dans le populisme light, selon ses propres mots. En football, suite et fin de la 8e journée de Ligue 1, et Lyon remporte le derby 2-0 face à Saint-Étienne. Les Lyonnais se hissent à la 5e place du championnat. Plus tôt dans l'après-midi, Nice s'est imposé 2-1 contre Lorient et Marseille a fait match nul un partout à Angers. En golf, les États-Unis sont assurés de remporter la Ryder Cup. Le trophée leur échappait depuis 3 tournois face aux Européens, mais les Américains ont cette nuit suffisamment d'avance pour l'emporter, même s'il reste encore 3 parties à disputer. Il est 5h12 sur la première. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Oh, cette jolie voix, dis donc, pour annoncer la météo. Elle est pas mal. Oh là là, ça chauffe hein, le matin. Mmh. Hein, Michael. Oh là là, l'air devient plus chaud. et aussi plus humide. Merci pour la mienne. Mais il n'y a pas de souci. Voilà, cadeau. Ça c'est fait. C'est le début de journée, effectivement, avec un air un peu plus chaud. Vous l'avez ressenti déjà ce week-end. Et cela va continuer puisqu'on attend les deux journées les plus chaudes, voire estivales, mercredi et jeudi, comme on vous l'avait dit d'ailleurs la semaine dernière, dans Grand Matin. Les nuages s'installent ce matin tout de même sur la côte est, même peuvent déborder jusqu'à Saint-Denis, avec pourquoi pas une ou deux ondées possibles, donc entre Saint-Denis et Saint-Philippe en passant par Sainte-Rose. Puis les éclaircies vont venir, éclaircies qui seront déjà majoritaires de l'autre côté. Les nuages vont se réinstaller sur les hauteurs entre Saint-Paul et Saint-Pierre cet après-midi, et pourquoi pas déborder parfois sur le littoral, partout ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies. Ça s'est réchauffé, vous l'avez ressenti déjà ce week-end. Eh bien, confirmation aujourd'hui, avec des températures entre 7 et 21 degrés ce matin, 9 à la plaine des Cafres, 21 à Saint-Denis. Et cet après-midi, on ira entre 15 et 29 degrés, 23 degrés au tampon et 29 sur le littoral Saint-Gillois. La météo avec Sirius Réunion, chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Grand Matin avec Isabelle Waraud et Mickaël Laurette. Et la journée a déjà bien commencé, échange d'amabilité entre moi et Isabelle. Bienvenue à tous, vous êtes vraiment dans Grand Matin, là, ça y est, les filles, c'est reparti. Habituées avec notre bonne jolie manière, notre bien bonne sûr. Vilaine manière. C'est ça, c'est surtout, comme ça. Surtout d'ailleurs, surtout. C'est d'ailleurs à ça qu'on nous reconnaît. Voilà, bah oui. Avez-vous passé un bon week-end? Ah bon, on l'espère en tout cas. Ça s'est bien passé, Isa? Ah, tranquille, beaucoup de repos. Moins pour certains qui étaient sur la route. J'étais et à la notamment, plage. J'étais à la plage, ouais, j'ai pris quelques couleurs en effet. Quelques rougeurs. Quelques petites couleurs et rougeurs, et surtout. Mais bon, il faut bien se réhabituer au soleil. Hein. Bah c'est oui. Pas facile le soleil d'été qui revient là. Tu m'étonnes. Justement. Et en rentrant après la plage? Et puis sur en rentrant, la route. Bah, la route du littoral avec ce basculement, vous l'avez vu, vous l'avez certainement vécu et vous avez certainement enragé dans la voiture. Ouais. Certains c'était ont passé coton. Deux heures. Alors moi, ouais. Ça va, je suis passé un petit peu avant les autres, ouais. Mais je suis sûr que derrière ça a été compliqué. Beaucoup de courage, il en faudra aujourd'hui, on vous informera quart d'heure par quart d'heure. Oui, puisqu'aujourd'hui encore, la circulation sur la route du littoral reste basculée. Pour nous informer, il y a le 99-2000, il y a le SMS 70-2000, mais il y aura aussi tout au long de la matinée et de la journée, Yves Gruy. Qui sera là, forcément. Oui, ce matin, on vous attend sur le 70-2000, on vous attend sur Facebook aussi, vous likez la page J'aime Grand Matin et vous rejoignez cette communauté, cette grande famille, parce qu'on vous y attend dans cette grande famille de Grand Matin. Alors pourquoi? Bah parce qu'encore une fois, déjà parce qu'on a envie tout simplement d'agrandir la famille. Aussi. On a envie d'agrandir la famille. On a envie aussi de voir que vous nous aimiez, parce qu'un peu d'amour... Ça fait du bien dans ce monde de brutes. Ça fait toujours du bien, mais, ça, aussi, mais aussi ça vous fait gagner des cadeaux, bah, parce qu'on n'est pas, oui. pas fous. Hein. Les cadeaux, oui. On sait que ça vous fait plaisir. Tous les jours, des invitations pour deux pour aller au cinéma et en fin de semaine, vendredi avant 8h, grand tirage au sort cette fois-ci. Eh bien, on va vous offrir votre nuit d'hôtel. Ce sera dans l'hôtel Le Vieux Cep. On reste à Sillaos. Bah oui, parce que vous avez été tellement nombreux à participer la semaine dernière. Apparemment, Sillaos, ça vous plaît. Donc, on reste la même, on change juste d'hôtel. Déconnexion totale avec Sillaos, avec le reste de la Réunion quand vous serez à Sillaos ce week-end. Mm-hmm. Et puis, déconnexion totale dans le Grand Matin aussi quand on va sur le marché avec Prisca. Coucou Prisca. Hello. Les amis, allez, la semaine redémarre. Oui, dans deux mois. On va voir ce qu'on va mettre dans les assiettes. Nous serons en direct du marché de Gros de Saint-Pierre ce matin. Eh bah parfait, marché ça s'est bien passé le week-end, Prisca? Oh, super, super. Ouais, rien de spécial à raconter? Non, tout a été parfait. Doigts de pied en éventail. Ça, c'est bien ça. Film, dans le canapé. Les bons. Maintenant, fort démarrer. Ça, c'est un beau week-end. Bah, oui. Mais faut oublier. C'est dur, la réalité. Ah hein. Oui, bah ça. C'est à comme tout ça. À l'heure, allez, Prisca. À toutes. À tout à l'heure. 6h moins le quart. Allez, à tout de suite. Vendredi et samedi, One Time avec Roddy Cox. Roddy Cox. L'émission des nouvelles tendances, des nouveaux talents de la rue, nouveautés hip-hop, R&B, dancehall, reggae, trap, interview de malade, ambiance dance floor du début de week-end. Mets-toi bien, bébé. One Time avec Roddy Cox. Roddy Cox. Vendredi et samedi, de 20h à 23h sur Réunion Première. Première. Première. Il est 5h16 dans toute la Réunion et là, bah ah, oui, bah là comme, c'est l'heure là. Comme souvent, bah, hein, vas-y. On l'accueille. Fais-toi plaisir. Bah oui, je l'aime bien moi, mais bon, elle, pas forcément. Ouais. Rien à bonjour fiche. Juliette. Bonjour Juliette. Bon début de semaine, nous sommes lundi, le 3 octobre, et aujourd'hui nous fêtons les Gérards. Bonne fête messieurs. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que cette semaine sera bonne pour vous. Voici l'horoscope de la première. Bélier, vous avez secrètement le goût de la compétition et vous allez adorer être au premier plan. Taureau, il va falloir en faire plus si vous voulez vous faire respecter de vos concurrents. Gémeaux, profitez d'un petit break pour vous poser. Cancer, vous allez provoquer une invasion croissante du virtuel dans votre vie. Vierge, c'est dans les petites choses de tous les jours que vos choix vont se poser. Balance, attention, un petit incident ne sera pas à prendre à la légère. Scorpion, vous ne supportez pas les silences hypocrites et vous pourriez bien décider de ruer dans les brancards. Sagittaire, c'est vous qui menez la danse en cette journée. Capricorne, une personne pourrait bien décider pour vous et cela pourrait bien vous mener au clash. Verseau, vous avez besoin de sourire et de bonheur. Poisson, on termine par vous. Il vous faudra être prudent sur toute la ligne en cette journée. Je vous la souhaite excellente, d'ailleurs. Ah, merci Juliette, t'as l'air un peu fatiguée Juliette. Elle fait des économies sur le bonjour j'ai l'impression. Oui, mais on se soucie de toi, donc il faut que tu nous envoies un petit message si tu peux. Pour voir comment tu vas. On file sur les hippodromes. Tiercé, quarté, quinté plus. Hier, c'était à Chantilly. Exactement. Et forcément, ça courait. Eh oui, et c'est arrivé. Ah bah c'est bien ça. Ah bah oui, voici l'arrivée définitive de ce quinté hier. Dimanche, il fallait jouer le 10, le 4, le 8, le 9 et le 2. 10, 4, 8, 9, 2. Numéro plus gagnant, le 00, 52. Ce lundi, eh bien c'est reparti mon kiki. Cette fois-ci, ce sera l'hippodrome d'Anguin qui va accueillir le prix de Saint-Chamond. Il y aura 15 partants, 2150 mètres à parcourir, 6 100 000 euros dans la tirelire. Voici les pronostics du fouineur du GIR, partenaire Réunion Première qui vous conseille le 7, le 6, le 13, le 5, le 4, le 14, le 2 et le 15, 7, 6, 13, 5, 4, 14, 2 et 15. Pour votre quintet cet après-midi à Anguin, ce sera le prix de Saint-Chamond. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, pour que le jeu reste un plaisir jouant, responsable ! Moi la pipère ton gaz, moi la pipère mauvais l'air. Bah oui, c'est important de jouer responsable. Bien sûr, Oté. Puis après, de gagner aussi. Hein, sinon, on fait n'importe quoi. On croise les doigts pour vous. Tu m'étonnes. Tu fais n'importe quoi, toi, jamais. Isa, jamais de la vie, jamais. Toi-même. Isa, la princesse sage incarnée. Alors, forcément. Presque sainte. On vous attend sur 70 2000. On salue Benjamin, on salue Ludo, là, qui sont déjà bonjour connectés. Bonjour à tous. Nicole d'Ambreville. Avec Tikaz, mon cœur, oui. Sa première. Dans et ton puis juste après, on parle cœur. De Zlatan Ibrahimovic. C'est son P-Birthday today. En fait, c'est 35 ans aujourd'hui déjà. Jeune. Ah oui. La pluie tic-tic, si barre de mon pied de guerre. Mais fait plus trop de la lique, m'y pense sourire, mon zézère. Quand la pluie en la valasse, c'est la terre d'un mémo cœur. M'y tracasse, puis mon calebasse, l'encaustique, bon mot doux zézère. Mon zézère. Mon cœur est comme un casque, tout porte les rouverts. Moi la pipère dans gaz, moi la pipère mauvais l'air. Mon cœur est comme un casque, tout porte les rouverts. Moi la pipère dans gaz, moi la pipère mauvais l'air. Salon mon cœur, cap cap en misouk, il rôle de chaleur mon zézère. Quand la terre y fait tremble, toute fondation mon cœur. M'imagine nous t'es ensemble, m'y tiens beau côté mon zézère. Mon zézère, quel est comme un casque, tout porte les rouverts. Moi la pipère dans gaz, moi la écoutez Nicole d'Ambreville, c'est que vous êtes bien sur la première, dans Grand Matin. C'est ça. Avec Tikaz, mon cœur. Ça veut dire que tout va bien. 35 ans déjà, ce footballeur qu'on appelle aussi le melon, hein, Zlatan Ibrahimovic, le gros melon. Gros melon, alors un melon de 15 kilos au moins, hein, voire un peu plus. Hein. C'est clair. À tête, aux chevilles, il a des melons partout, lui. Hein. Zlatan Ibrahimovic. Eh oui, c'est son anniversaire. Il fête ses 35 ans aujourd'hui. Eh oui. Ancien joueur du Milan AC. Il est passé par le Paris Saint-Germain et aujourd'hui sous les ordres de Mourinho à Manchester United. Mais Zlatan Ibrahimovic est connu pour être aussi la ceinture noire des punchlines. Eh oui, ces petites phrases qui sont choc, là, qu'on ressort comme ça des interviews. Il faut dire que oui, hein. Ça, quand il a des journalistes en face de lui, il sait faire le buzz. Ah, ça, il aime bien. Bon, il est assez fort dans la communication trash. C'est ça. On va le dire comme ça. Ouais. Et le melon est là un peu tout le temps, en fait, hein, ça, dans les prouve, interviews. Hein. Il le prouve. Constamment. Ouais. On a récolté quelques petites phrases comme ça de Zlatan. Alors, par exemple, comme ça, quand il arrive à Paris, il logeait quand même dans un super hôtel, hein, le Crayon pour pas le citer, donc place de la Concorde. Ouais, enfin, tu vois, c'est pas temps, le KGB non c'est plus. Zlatan, quoi. Hein. Et qu'est-ce qu'il dit ? À défaut d'acheter l'hôtel, le Crayon quand même, je vais habiter dans la Tour Eiffel et me rendre aux entraînements en parachute. Ouais. Bon, depuis, il l'a pas fait, hein, quand même. Hein. Ben non. Voilà. Bien avant ça, déjà, il avait déjà le melon. Si tu veux, en 2000, par exemple, il devait passer une sorte de petit test devant le coach d'Arsenal, Arsène Wenger, pour voir un petit peu de quoi il était capable. Et là, il dit, pas question. Zlatan ne passe pas de test. Non. Ben parce non. que Zlatan est trop fort pour passer les tests. Alors, des fois, on se demande s'il rigole ou si vraiment il le pense. Hein. Alors, quand tu regardes les interviews, il n'a pas l'air de beaucoup rigoler. C'est ça, ouais. Ou alors, il a une super équipe de com qui lui dit vas-y, fais ça péter, joue au melon. Ça va marquer, ouais. Alors, par exemple, pour son public, il dit le public demande beaucoup, ce qui est étrange, car avant, il n'y avait rien. Oui, bien sûr. Ça, c'était au Paris Saint-Germain. Voilà. Parce qu'il disait en fait que sans manquer de respect à personne, le PSG était né quand le Qatar est arrivé, il y a 3 ans et demi. Oui. Et en fait, il n'y avait pas d'histoire du PSG. Ce qui a fait vraiment plaisir aux supporters du Paris Saint-Germain. Bah, tu m'étonnes. Je ne connais pas beaucoup la Ligue 1. Voilà, pareil. Mais la Ligue 1, c'est à qui je suis. Oui, c'est vrai, il a raison de en sorte. Hein. On connaît moins Nkoulou que Zlatan Ibrahimovic. Oui, mais tu es obligé d'être vantard comme ça ? Non, tu es obligé d'être vantard comme ça. T'es pas forcément obligé, mais j'ai l'impression que c'est un personnage et il le vend. Allez, il le vend à merveille. Une dernière. Deuxième, c'est comme être dernier. Sans manquer de respect aux autres, je devrais occuper à moi seul les 5 premières places de ce classement. Ouais, non, mais sans déconner. Ça, c'était, c'était au moment où un journal suédois avait dressé la liste des 150 meilleurs sportifs de l'histoire du pays, de la Suède. Voilà. Et qu'il était arrivé derrière le tennisman Björn Borg. Ça même, donc il est arrivé deuxième. Et là, à ce moment-là, il a même dit j'ai placé la Suède sur la carte du football mondial et je l'ai également fait pour la France. Donc il refait le monde, Zlatan. Il refait l'histoire, il refait le monde, il refait tout. Zlatan Ibrahimovic, et ça a renforcé son ego quand un supporter est arrivé, il a fait son apparition pendant le match Manchester United-Leicester, c'était il y a quelques semaines de cela. Et après les 4 buts marqués en moins de 20 minutes au premier mi-temps par Manchester United, un sosie de Zlatan a fait irruption sur la pelouse de Trafford. Bon, alors c'est un sosie qui ressemble pas trop personnellement. Il a une petite moustache à la Zlatan. Voilà, mais il n'a pas la carrure, 1m95 le vrai Zlatan. Ça a fait rire Zlatan, mais ça a fait rire 2 secondes Zlatan. Il a failli ensuite se prendre un coup, le supporter en question. Bon, en même temps, c'est Zlatan Ibrahimovic. Tu peux pas avoir un peu d'humour quand tu t'appelles Zlatan ? On ne dérange pas Dieu. Quand même. Bon, après, on aime, on n'aime pas. Hein. C'est vrai clair. Bon, après, il joue bien au foot. Personnage. Bon, après, Dépend. Ça dépend. Ça dépend. Certains disent qu'il joue bien contre Bastia, mais moins contre les grandes équipes. Ah voilà. T'as le melon, mais quand ça t'arrange, Coco. Voilà, bon, en tout cas, si vous aimez Zlatan, vous pouvez nous envoyer vos messages en 170-2000 si vous l'aimez moins. Même si vous ne l'aimez pas. Hein. Voilà, n'hésitez pas. Vous restez gentil. Hein. 06-92-70-2000. 5h27 dans toute la Réunion. Voici Womack and Womack avec Celebrate the World. Ah bah oui, il le dit. Il l'annonce en début de chanson. C'est bien. Ça qui est génial. Juste derrière l'actualité avec Cécile Thomas. Songs of love, touching boys and girls. Omac Cano Mac, c'est d'abord l'histoire d'un couple. Cécile et Linda. C'est chou, hein. Le duo de chanteurs qui compose le groupe, enfin le duo en quelque sorte. Et l'album c'était Conscience. Oui, OT. Sorti à 26 ans. Un petit bout de temps en 1988. Oh, quand même. Oh là là. Allez, on prend ça. Oh là là. Hein, et puis on se réveille. C'est les Backstreet World. En première. Il est 5h30. C'est l'heure du journal. Cécile Thomas, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël, bonjour à tous. La route du littoral basculée côté mer depuis la Grande Chaloupe. On roule sur deux voies pour se rendre à Saint-Denis. Conséquence d'un incendie qui ravage la végétation en haut de la falaise qui surplombe la route. Les pompiers sont sur place à la montagne depuis vendredi. Nous ferons le point. 5000 personnes main dans la main contre le projet de carrière de bois blanc à Saint-Leu. Le nouveau projet ne séduit pas plus que l'ancien. Les riverains du site nous l'entendront. Un mois pour parler de la lutte contre le cancer du sein, c'est Octobre Rose et parler notamment du dépistage qui permet de diagnostiquer la maladie ou de vous assurer que vous n'êtes pas malade. Et puis passer à moins 90 degrés pendant 3 minutes, la recette du bien-être ou d'un soin. Présentation de la cryothérapie à la fin de ce journal, un centre a ouvert à La Réunion. Les pompiers sont sur le terrain depuis vendredi à la montagne à Saint-Denis. Le feu a détruit plus de 70 hectares de végétation ce week-end. Sur les trois départs de feu constatés, un foyer persiste. Il n'est pas sans conséquence. Aucune maison n'est menacée, mais le feu court en bord de falaise, celle de la route du littoral. Il est d'accès difficile et a forcé la direction des routes à prendre des mesures de basculement qui sont encore en vigueur ce matin sur la route en contrebas. Le point avec Karl Sivat. C'est un véritable combat que livrent les pompiers face à cet incendie, a priori d'origine volontaire, puisque plusieurs foyers ont été observés suite à une reconnaissance aérienne. La force du vent a considérablement gêné la progression des équipes déployées durant tout leur week-end, équipes renforcées par les hélicoptères bombardiers d'eau qui ont multiplié les rotations. Hier, on parlait de maîtrise, voire d'espoir de pouvoir circonscrire l'incendie, mais c'était sans compter sans des éléments et un foyer qui persiste. L'une des conséquences de ce foyer qui se trouve proche de la falaise de la route du littoral est donc le basculement opéré dès samedi soir avec une circulation par mesure de sécurité sur les voies de la chaussée côté mer entre Saint-Denis et la Grande Chaloupe. Dès le lever du jour, des moyens spécialisés seront mis en œuvre avec probablement des hommes du grimpe et des pompiers cordistes pour tenter de venir à bout de ce foyer en espérant que le vent soit le plus nul que possible. Hier, une quarantaine de pompiers étaient sur zone. Une reconnaissance aérienne est prévue en ce début de matinée pour évaluer la menace et adapter les moyens en conséquence. Karl Sivat, l'une de nos équipes, sera auprès des pompiers ce matin. Nous ferons un point en direct avec Jean-Régis Ramsamy dans notre édition de 7h. Et puis prudence et patience sur la route ce matin. L'arrivée sur Saint-Denis, côté ouest, s'annonce très embouteillée. Une chaîne humaine de 2,5 km, 5000 manifestants. Le collectif Touche pas nous troche a su mobiliser hier encore à Saint-Leu, entre la ravine des Avirons et la ravine du Trou sur l'ancienne Nationale 1. Le message est toujours le même, non à la carrière de bois blanc. En ce moment, une enquête publique recueille les avis des riverains sur ce projet. Touche pas nous troche espère bien peser dans le débat et empêcher l'ouverture d'une carrière pour la nouvelle route du littoral tout près de chez eux. Moi, elle est là pour dire non, on enlève le galet dans la ravine du Trou. On va détruire la nature que Dieu l'a créée. Ce qui s'est passé ici, ça va être catastrophique, mais je dirais, pour la santé, mais aussi les conséquences graves sur l'écologie. Fais péter un petit pétard rouge. Le Dieu le souffle, comment il fatigue à nous. Ben imagine à nous des explosifs côté notre gaz. On aura plus d'explosifs que pour l'usine AZF. C'est ça la bête côté nous, que ça nous devient nous. Non, mais il n'est pas d'accord. On n'arrête pas de nous abîmer tout ce qu'on a, de nous enlever tout ce qu'on a. Maintenant, il faut arrêter. On dit, touchez pas à nos roches, touchez pas à notre patrimoine et touchez pas à nos traditions. Moi, la vie de carrière, là, moi, on a 69 ans. Alors, si on retire Ali, pour nous être malade, ça ne vaut pas la peine. Mais on ne voit pas pourquoi il fait la malade, ça ne vaut pas la peine. Mais on ne voit pas pourquoi il fait la carrière, il prend le roche d'une canne là-bas et tiré. Ou bien ça, le soir, il ferme la route de la colonie, il se descend de la falaise, on va les mettre dans la mer. Des propos recueillis par Priscilla et Thève. Les carrières, il en sera question ce lundi sur Réunion Première. L'invité de la matinale, Vanessa Miranville, la maire de la Possession, répondra aux questions de Philippe Dornier dès 7h15. Et puis ce soir à 18h15, Jean-Pierre Marchaud d'Europe Écologie Les Verts sera l'invité de Devant la Réunion, l'émission politique de la rédaction. Il répondra aux questions de Gaël Le Dantec. politique, toujours avec cette question, faut-il mettre en place un revenu universel de base ? Oui, répondent sans hésitation les membres du mouvement Résistance Égalité 974. Le revenu universel, ce serait une somme comprise entre 500 et 750 positions de ressources. Le revenu universel est testé dans plusieurs pays. Des expérimentations ont été menées notamment au Canada et en Inde, ou actuellement aux Pays-Bas et en Finlande. Pour expliquer comment ça marche, Résistance Égalité 974 compte sillonner l'île. Les explications d'Amandine Ramaï, membre du mouvement. Dès le mois de décembre 2016, on va mener une caravane, c'est-à-dire qu'on va aller dans les cités à la rencontre de la population pour leur présenter justement l'intérêt du rubis, leur expliquer en quoi ça consiste, quel impact ça aurait sur la vie au quotidien. Et c'est aussi lancer l'appel aux collectivités, que ce soit le département de la Réunion, la région, les municipalités aussi, à se positionner sur ce débat qui justement prend de l'ampleur aussi dans les campagnes électorales aujourd'hui. 51% des Français sont en faveur d'un revenu universel. Donc il ne faut pas sous-estimer cela. Amandine Ramaï, membre de Résistance Égalité 974, répondait à Lise Ourdel. À 5h36 sur la première, la suite du journal, Cécile Thomas. Un mois pour sensibiliser au cancer du sein. C'est octobre rose, c'est le premier cancer chez les femmes. Il tue près de 12 000 Françaises tous les ans. Pourtant, le cancer du sein, s'il est détecté tôt, le taux de guérison atteint les 85%. À La Réunion, près de 300 cas sont détectés chaque année. Se faire dépister est devenu normal. En tout cas, l'idée a fait son chemin. Reportage Aurélie Constant. Ben oui, ça se voit d'ailleurs. Faites attention. Dans un parc, Marie-Claire surveille ses petits-enfants et elle surveille aussi sa santé. Depuis plus de 10 ans, cette grand-mère de 62 ans se fait dépister contre le cancer du sein. En principe, tous les 2 ans, je le fais. Mais bon, ça n'empêchera pas d'eux parce que dans ma famille, il y a plein de monde qui a ça. Et c'est désolant parce que le problème dans ce genre de maladie, c'est qu'on n'a pas de douleur, on n'a rien. Donc si on ne se fait pas contrôler, ben évidemment, ça va être la mauvaise surprise. Pas très loin de là, il y a Lucette. À 51 ans, elle se fait déjà dépister régulièrement. C'est très très très important. Ça se fait à partir de l'âge de 50 ans, mais si on a un petit problème, on peut consulter son médecin, lui expliquer une petite douleur ou autre, et puis aller faire une mammographie. C'est gratuit, ça fait pas mal, et c'est très vite fait. Cela donnera peut-être l'impulsion à Madame Coco d'y aller. Elle travaille dans la restauration et n'a jamais pris le temps pour un dépistage. Mais parce qu'on n'a pas le temps, déjà. Des fois, quand on demande un rendez-vous, il faut qu'on connaisse quelle heure il faut sortir travailler, quelle heure il faut gagner, donc on n'a pas le temps du tout. Ce mois d'octobre est le mois de lutte contre le cancer du sein. Octobre rose, comme on l'appelle, l'occasion de sensibiliser les femmes, car s'il est dépisté tôt, le cancer du sein se guérit. Chaque année à La Réunion, 300 cas de cancer du sein supplémentaires sont détectés. Aurélie Constant. Santé encore avec un coup de froid, de grand froid pour réveiller les organismes. Un centre de cryothérapie ouvre ses portes à la Possession. Choc thermique assuré, la cryothérapie, c'est un passage de 3 minutes dans une cabine à moins 90 degrés. Un froid sec qui donne un coup de fouet, plein de vertus pour la santé et le bien-être. Le centre a invité des sportifs, notamment à tester le rafraîchissement ce week-end. Olivier Delarichedi a testé pour nous. Vous avez bien mis vos savates, sous gants, le câble, les oreilles sont bien protégées. Juste les sous-vêtements et de quoi recouvrir les extrémités du corps. Voilà les seuls bagages autorisés pour ce voyage express en Arctique. Après 3 minutes à moins 93 degrés Celsius, Sophie nous livre ses impressions. Supportable, je pensais que ça serait plus froid que ça. Je sens que ça cartonne un peu dans les jambes, c'est un peu cartonneux, mais pas plus que ça après. Je suis pas shooté, je suis pas... La cryothérapie corps entier, un service que cette kinésithérapeute pourrait bien proposer à l'avenir à ses patients. Mais on va dire que j'attends de voir sur moi un peu les actions que ça va avoir sur différents trucs, parce que moi j'ai une cicatrice adhérente, une entorse de cheville, donc je me dis je vais attendre de voir ce que je ressens dans les heures, jours qui arrivent, voir vraiment si je ressens quelque chose ou pas. Car la liste des bénéfices attendus est longue comme le bras, notamment pour l'impact sur les fibres nerveuses et les muscles endoloris. Nathalie est l'une des employées du centre de cryothérapie. C'est presque du vital pour eux, pour les gens qui ont des scléroses en plaques, des fibromyalgies, des polyarthrites, des maladies inflammatoires. Il n'y a aucune étude scientifique qui a été faite, mais voilà, c'est juste le ressenti des gens et ce qui leur arrive, c'est qu'ils diminuent leur traitement et ils espacent en fait leur crise où ils sont vraiment handicapés par leur maladie. Un traitement qui s'adresse aussi aux sportifs de haut niveau en phase de réathlétisation ou encore aux personnes en proie aux troubles du sommeil. Olivier de la Richaudière, les troubles du sommeil, Isabelle Warreau, un petit tour. On va y aller. À moins 90 degrés. Allez. Hein, pour se réveiller le matin. Super. Ah ben ça réveille. Tu m'étonnes. Pas sûr, remarque, peut-être ça endort. Ouais. Ça endort définitivement. Vaut mieux peut-être le faire le soir, ça, non, Oh, j'aurais trop peur. Ouais, je sais pas. De toute façon, c'est 3 minutes, on vous fait sortir, on vous oublie pas dans la cabine. Ouais, mais 3 minutes à moins 90, je vais te dire, c'est ça doit sembler durer des heures. Hein. 90, quoi. À essayer, peut-être. Allez, c'est bientôt l'été. Hein, allez, faut se dire ça comme ça. À tout à l'heure, Cécile. Il est 5h40 sur la première. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Et Mickaël, un début de semaine chaud, presque estival. Oui, avec mercredi, normalement une journée belle et ensoleillée, et avec des températures dignes d'un mois de décembre. On confirmera tout ça avec vous dans les jours à venir, tout simplement. Aujourd'hui, eh bien, on aura un peu plus de nuages tout de même au réveil entre Saint-Denis et Saint-Philippe. Un ciel qui pourrait parfois lâcher quelques gouttes. Puis sur le littoral, les éclaircies vont revenir, alors que sur les hauteurs, ça sera un petit peu plus chargé. Notamment cet après-midi sur la côte ouest, entre Saint-Paul et Saint-Pierre, même jusqu'au sud-ouest, hein, tous les hauts seront sous les nuages et parfois les nuages pourraient déborder sur le littoral et atténuer les belles périodes ensoleillées. Globalement ailleurs, alternance de passages nuageux et d'éclaircies avec un vent de nord-est qui va souffler entre la Possession et Saint-Gilles et puis sur la plaine des Cafres, comptez 50-55 km/h sur le littoral et puis sur les hauteurs, hein, 30-40 km/h, tout comme sur le relief exposé. Volcan et Maïdo, température en hausse avec ce matin au réveil 9 à la plaine des Cafres, 21 à Saint-Denis et 20 à Saint-Pierre. Et puis dans l'après-midi, on ira jusqu'à 29 degrés sur le littoral ouest, 28 à Saint-Denis et 15 au Volcan. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Et avant 6h, on vous fait gagner encore et encore des places pour un concert, Enfants Ilvois. Attention, événement. C'est les dernières. Hein. Après, n'a plus. Jim Fortuné. Wale bang bang bang wale wale bang lao lao wale bang lao lao wale bang tan pei la wale bang bangi wale tan pei la wale wale bang bang bang wale wale bang lao lao wale bang lao lao wale bang tan pei la wale bang bangi. On dit li vol, li vang et li vive la vie. Son tête yant à si masse, la mimagine à li. Son manière quand li rit, quand li casse les cuits. Ou quand li roule, li sent son maloya. Quand li roule, li sent son maloya. Après ça, un sens y a toujours dit. Son rêve voyage, oua de moun l'autre côté mali. Si côté caillant de notre pays, pour vous son maloya pas là-bas. Pour vous son maloya pas là-bas. Wale dans le pays là, wale. Wale bang bang bang à wale. Wale bang la la wale. Bang bang la wale. Bang dans le pays là, wale bang bang. Y'a roi son figure de pire. T'es kaniki, Ali tout le temps pogné pour faire les fangounis. Ça qu'on a l'ambiance, commence par son lit. Sans déroule, il sent son maloya. Sans déroule, il sent son maloya. Après ça, un soldat toujours dit. Son rêve voyage, roi de notre côté Mali. Sous Mexico, des caillons de notre pays. Pour vous son maloya pas là-bas. Pour vous son maloya pas là-bas. Wale dans le pays là, wale. Wale bang bang bang wale. Wale bang la la wale. Bang bang la wale. Bang dans le pays là, wale bang bang. Wale dans le pays là, wale. Wale bang bang bang wale. Notre manière et notre pays, na tout va nous, na Wale dan peyi la wale Wale vanga vanga wale Wale van la la wale Vanga la wale Vang dan peyi la wale Vang kongi Wale dan peyi la wale Wale vanga vanga wale Wale van la la wale Vanga la wale Vang dan peyi la Les Van Vangé, au cœur des Vissicards. Et puis, bien sûr, le monsieur qui chante. C'est Jim Fortuné. Grand monsieur de la chanson réunionnaise. Exact. Avec Van Vangé. On va filer justement sur le marché. On va Van Vangé. Eh oui, dans un instant, marché de gros de Saint-Pierre, en compagnie de Prisca. Première. 14h, 16h, musique première avec Élodie Allier. Comme chaque après-midi, jusqu'à 16h, musique, détente, bonne humeur, actu, tout ce qu'il vous faut sur votre radio préférée. Musique première avec Élodie Allier, toute la semaine de 14h à 16h sur Réunion Première. Envie de booster votre carrière ? Le diplôme universitaire gestion des ressources humaines de l'IAE. Faites évoluer vos compétences et ouvrez-vous de nouvelles perspectives. Une formation courte en cours du soir, à partir de Bac plus 2, DU, GRH de l'IAE. Renseignez-vous et candidatez maintenant sur www.iae-reunion.fr. IAE, l'école universitaire de management. Première. Première. Michael. Oui, Isabelle. Allons battre à Carré Saint-Pierre. J'ai failli m'endormir là. Comment ça ? Faut que je me réveille, les amis. Hein, c'est pas le moment là, on va sur le marché de gros. Un peu comme tout le monde, hein, allez, gros, à cette heure-là, c'est on dur. Hein. Allez, on y va, c'est parti. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. En plus, le guide sur le marché forain, c'est Prisca. Ah, bah là, effectivement, pour Prisca, je me réveille. Allez. Ah, quand même. Mais c'est pas l'heure de dormir, hein, Michael. Non, t'inquiète pas, Prisca. Bienvenue ici dans le sud. Bienvenue. Alors il fait déjà jour et Damien c'est il est vrai. Réveillé depuis longtemps. Damien, bonjour Damien. Bonjour. Comment il est? Bien. Oui, vous êtes réveillé depuis quelle heure? 2h30. Ah, 2h30. Oui, donc vous êtes planteur et votre spécialité c'est la tomate. Oui. Avec le butternut. Oui, un petit peu. Et là, vous l'attendez avec seulement 2 caisses de tomates ce matin. Pourquoi? Il fait froid et il n'a pas sorti. Aïe aïe aïe. D'accord. Et combien on la vend ça la caisse? On vend du 15 euros. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle pour le consommateur. Oui. Le prix du kilo de tomate est en baisse, en chute libre, c'est ça? Oui, c'est ça. Et la caisse de butternut, vous la vendez à combien? Ce que vous vendez en gros, hein? Oui, je vends à 60 euros. Ouais. Donc, il y a combien de kilos dedans? 20 kilos. Bon, ça suffit. Là, vous avez tout vendu, là, le butternut? Non. Ouais, il reste combien de caisses? Une trentaine. C'est dur la vente aujourd'hui, là? Aujourd'hui, oui. Ouais, pourquoi? Il n'y a pas d'acheteur. Aïe, aïe, aïe. Comment vous allez faire avec le stock qui reste? Ça se conserve bien et j'essaie de revendre jeudi. On revient donc jeudi sur le marché de gros, parce qu'il y a 2 jours de vente ici. Oui, c'est ça. Damien, on va pas vous retenir plus longtemps, parce que Damien, vous devez livrer cette caisse? Oui. Oui. Où ça? Où ça livre ça? Saint-Pierre. Ah, bon courage. Et bon courage, Damien. Ouais. Merci, Damien. Bisous, Damien. Damien, en forme. Hein. En forme pour démarrer cette semaine. Bon, comme vous l'avez dit, Damien, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs on entend, ce matin sur le marché de gros de Saint-Pierre. J'imagine que se lever à 2h du matin et vendre deux caisses de tomates, ça doit pas être facile. Hein, c'est quand chaud. Même. Hein. Non, ouais. C'est pas évident. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Comment ça va ce matin? Ça va? Vous êtes en direct sur Réunion Première. Je vous installe l'oreillette dans votre oreille. C'est bon? Ça va? Oui, ça va. Oui. Ça va. Qu'est-ce que vous avez dans la main, là? Des petits pois. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est pour vendre. Oui, Prisca, c'est pour vendre. Oui, toi-même. Oui, en même temps, on est en train de manger. Ça se mange, les petits pois? Un peu. Hein. C'est ça? Oui, ça se mange, oui. Ça se mange cru. C'est bon, cru. Oui, hein, oui. Ça dépend. Oui, bon, c'est vous qui plantez ces petits pois? Oui, oui. C'est les meilleurs du monde, donc. Oui, bien sûr, oui. Oui, oui. Où ça, on plante ça? Au Grand Tampon. Au Grand Tampon, donc oui. Ça pousse bien, apparemment. Oui, ça pousse bien. Et vous avez réussi à vendre vos caisses de petits pois comme Damien, ou pas? Oui, aujourd'hui, oui. Oui, oui. Pas trop dur à la vente? Non, ça va, aujourd'hui, ça va. Hein. Bon, il reste encore quelques caisses, c'est pour la livraison, ça. Oui, la livraison, oui. Donc, en fait, vous la vendez toutes. Oui, oui. C'est ça? Oui, ça, ah, même, ça c'est bien. Bon, oui. Ah, voilà. On va vous souhaiter une bonne semaine. Merci. Et à combien, en gros, la caisse de petits pois? 25, la caisse, on a 10 kilos dedans, il reçoit 2,50 le kilo, alors 2,50 euros. 2,50 euros en gros ou au détail, là? En gros, ils reçoivent 1,50€. Oui, oui, en gros. Mais parce qu'imagine, Isabelle ou Mickaël, ils arrivent chez notre bazar. Ouais. Là-bas, ils disent, mais 20 kilos de petits pois à 2,50€. Non, c'est en gros. Hein. En gros, oui. Il faut compter combien pour le consommateur? Je sais pas combien. 2 euros de plus. Parce que après, ça dépend de la marge du bazar, oui, en fait. Oui, on va mener notre enquête, on va voir combien ça coûte sur les marchés. Ouais, on regarde la différence, oui. Effectivement. Oui, comme ça, on verra la différence. Merci. Prisca Investigation. Merci, Prisca. À tout à l'heure. À toutes. Rendez-vous à 6h20. Merci. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Allez, c'est le mixeur. C'est l'heure de jouer. C'est DJ Fou qui arrive. Grand matin, le mixeur. Tu as remarqué qu'il a la même figure le lundi et le vendredi? Ah bah il change pas. Crasé hein. Même le matin. Il change pas. Mais il mixe toute la nuit. Ah oui. Il apprend à mixer, dit DJ Fou. Mais depuis la rentrée, il a pas permanente. Beaucoup fait de progrès. Hein. Sur une échelle de 5, il est toujours à 1. Mais bon. Oh, tu es gentil. Oui, encore. Oh, je te trouve sympa pour un lundi. J'essaye. C'est ça. J'essaye. DJ Fou, qu'est-ce que tu nous as concocté ce matin? Oui, un mix de deux titres. On va écouter. Bon, ben, elle est bon alors. Il faut trouver soit le titre, soit l'artiste. Si vous trouvez les deux, c'est parfait. On se casse pas la tête. Soit le titre, soit l'artiste. Vous appelez 0262 99 2000, voilà. Et vous gagnez vos cadeaux. Les toutes dernières places de concert, parce que c'est samedi. Ouais, bah c'est même. Ouais, c'est samedi. Le 7. Ouais. Samedi? C'est ça? Samedi, non, c'est vendredi, le 7, vendredi. Vendredi, voilà. Au petit stade de l'Est. Voilà. Les enfants zillois. Ouais, Cassia Lindigo. François, ouais. Mm-hmm, 3 heures de spectacle. Si vous voulez y aller, c'est maintenant que même, ça se passe. Je pense plus de 3 heures. Ça va décoller moyen, un peu plus. Ouais. Connais comment il est. Allez, c'est parti. Le mix du matin. Malbol, violence, l'intolérance, l'injustice. Malbol, politicien. Facile. Le titre est dedans. Oups, attention. Ah bah oui, là aussi. Aïe. Facile. Trop dur. Le titre est dedans. Ah, il saoule pas trop, hein, DJ Fou. Allez, on est parti. Ligne 1. Mais c'est lundi. Bonjour. On est parti. Bonjour. Bonjour, c'est qui? C'est qui au défil? C'est Annie. Bonjour. Coucou, Annie. Bienvenue, Annie. Merci. Bienvenue chez nous, puisque c'est la première fois que vous nous appelez. Oui. Et c'est bien, Annie. Annie, vous venez d'où? De Piton-Saint-Leu. De Piton-Saint-Leu. Et qu'est-ce qu'on fait à 5h51 à Piton-Saint-Leu? Ben, on se réveille de bon matin. Mmh. Il fait beau, donc c'est bien. Bon, ça, c'est chouette. Tout va bien. Et la journée va se passer comment? Vous allez bosser, vous restez à la maison? Plutôt à la maison. Le ménage. Aïe, aïe, aïe. Le ménage du lundi matin, mes amis. Ah, ouais. Quand il y a du soleil, c'est bon. Ah, ouais, ça, voilà. C'est chouette. C'est vrai que ça sèche plus vite. Tu m'étonnes. Exactement. Annie, un titre, un artiste, ce que vous voulez, mais en tout cas, il faut nous donner deux titres ou deux artistes. On écoute vos réponses, Annie. Alors, vous pouvez repasser la musique, c'est pas bien. Ah bah c'est pas bien ça, Annie. Annie. Fallait écouter. On fait connaissance comme ça, et puis après, vous avez rien voilà. À nous dire. Annie, le premier était simple quand même. M. Anou, je crois. Bah voilà, voilà. Bah c'est parfait avec Ras-le-bol. Et puis le deuxième. Des Suédois. Des Suédois. Un groupe qui vous a fait danser pendant les années 90. Je l'avais fait. Voilà, et... En français, ça donne tout ce que je veux. Le titre de la chanson. Là, c'est vrai qu'en écoutant la chanson, je... Tout ce qu'elle veut. Je suis nulle en anglais, en fait. Eh ben, c'est pas grave. Allez, Annie. Annie, on essaye. Tout ce qu'elle veut. What you want. Ouais, c'est voilà. Ça. All that she wants. Ouais, c'est ça. C'est mon anglais. Hein. En yaourt, c'est bon, non? Ouais, c'est pas mal. All that she wants, Ace of Base, c'est gagné. Bravo, Annie. Allez. Dure, ma fille, mais la gagnée. Allez. Félicitations. Comment tu l'as dit, Annie? Le truc, c'était I want you want. What you want. Pas mal. C'est all that she wants. Oui, bon, sera bon pour ça même. Allez. Annie, on a le plaisir de vous offrir vos invitations pour le concert Enfants Zillois. Ce sera vendredi soir au petit stade de l'Est. Et c'est rien que pour vous, ma chérie. Ah, merci. Allez. Première. Il n'y a pas de soucis. Bisous à vous. Eh ben, bisous aussi. Annie. Bonne journée. Bon bye ménage. Bye, au revoir. Salut, avant 6h. Grégoire avec toi plus moi. Première. Mais d'abord à 5h54, voici les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Tendrayen, François Germain. Monsieur Tendrayen, François Germain, le décès survenu hier à l'âge de 98 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 548 chemin Monnier à Saint-André. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Décès de Monsieur Fazi Max Hubert Philippe. Monsieur Fazi Max Hubert Philippe, le décès survenu samedi à l'âge de 75 ans. Une veillée a lieu au centre funéraire de Prima. La cérémonie aura lieu au centre funéraire à Prima aujourd'hui à 15h30, suivie de la crémation à 16h. Décès de Monsieur Sidat Serge André. Monsieur Sidat Serge André, originaire des Camélias à Saint-Denis, résident à Sainte-Suzanne. Le décès est survenu hier à l'âge de 60 ans. La veillée a lieu au centre funéraire de Bois-Rouge à Sainte-Marie. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Décès de Madame Ramsamy Marcel Nemoutoussamy Anda. Madame Ramsamy Marcel Nemoutoussamy Anda, originaire de la ligne des Bambous à Saint-Pierre. Le décès est survenu hier à l'âge de 67 ans. La veillée a lieu au centre funéraire du Sud. La bénédiction aura lieu en l'église du Bon Pasteur à Saint-Pierre aujourd'hui. L'inhumation au cimetière de Saint-Pierre. Les horaires seront communiqués ultérieurement. Décès de Madame Ponama Nejibassia Marie-André. Madame Ponama Nejibassia Marie-André, le décès survenu samedi à l'âge de 59 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile au 33 bis chemin du Cap à Sainte-Anne aujourd'hui, lundi à 15h30. La bénédiction aura lieu en l'église de Sainte-Anne à 16h, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Benoît. Décès de Monsieur Vendomel Toussaint. Monsieur Vendomel Toussaint, dit Ninis. Le décès survenu samedi à l'âge de 70 ans. Le convoi mortuaire sortira du numéro 61, chemin Le Breton, en gare, Bois-de-Neuf-Saint-Paul, aujourd'hui, lundi. La bénédiction aura lieu en l'église de Bois-de-Neuf-Saint-Paul à 16h, suivie de l'inhumation au cimetière de l'Étang-Saint-Paul. Décès de Madame Sautron, née Payette, Alice Noélie. Madame Sautron, née Payette, Alice Noélie, retraitée communale de la mairie de Sainte-Marie. Le décès est survenu hier à l'âge de 79 ans. La veillée a lieu au 204 rue Jean 23, Espérance-les-Hauts à Sainte-Marie. Le convoi mortuaire sortira de cette adresse aujourd'hui. La bénédiction aura lieu en l'église de la Rivière des Pluies, l'inhumation au cimetière de Bois-Rouge. Les horaires seront communiqués ultérieurement. Décès de Monsieur Zit Joseph Augustin. Monsieur Zit Joseph Augustin, dit Tétain. Le décès survenu samedi à l'âge de 72 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 16 chemin Ouarou à Bois-de-Neuf-Saint-Paul. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Décès de Monsieur Leveneur Marie-Aubert. Monsieur Leveneur Marie-Aubert, le décès survenu samedi à l'âge de 80 ans. La veillée a lieu au domicile 12 rue des Letchis à Petite-Île. Le convoi mortuaire sortira de cette adresse aujourd'hui. La bénédiction aura lieu en l'église de Petite-Île à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière du même lieu. Réunion Première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuel Obsèques et Complémentaire Santé. Mickaël, des infos pratiques pour aujourd'hui. Oui, avec le TCO qui vous invite à faire part de votre avis lors de l'enquête publique sur la révision de son SCOT West, schéma de cohérence territoriale. Rendez-vous sur le www.tco.re ou sur les lieux d'enquête jusqu'au 14 octobre. Un commissaire enquêteur vous accueille également lors des permanences au TCO, rue de la Douane au port, à la Possession, mairie centrale, au port, à Saint-Paul, à Trois-Bassins, à Saint-Leu, dans les mairies centrales et à Saint-Paul et à Saint-Leu. Vous pouvez aussi vous rendre dans les mairies annexe. Et beaucoup de courage parce que ça bouge déjà sur les routes ce matin, sur la RN1 Saint-Paul en direction de Saint-Denis, bouchon au niveau du secteur viaduc du Bernica, environ 4,5 km déjà de bouchon. Ça va certainement boucher aussi sur la route du littoral puisque la route est toujours basculée jusqu'à nouvel ordre sur les voies de la chaussée Côte-et-Mer entre Saint-Denis et la Grande Chaloupe. Donc il va falloir s'armer de patience, on pense à vous. Et on fera un point route après le journal de 6h, ne vous inquiétez pas avec Yves Gruyé. D'ici là, allez un peu de douceur. Bah oui, toi plus moi. Bon début de journée. Déjà un bon début. Bon réveil Isa. Bah oui. Bon merci, réveil la Réunion. Grégoire. On est des hypocrites. Oh c'est mignon. L'hypocrite. Plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle. Et tous ceux qui sont seuls, allez, venez. Et entrez dans la danse, allez. Venez, laissez faire l'insouciance à deux, à mille. Je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable. On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves. On peut partir bien plus loin que la grève. Ou toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez. de chance avec l'envie, la force et le courage, le froid, la peur ne sont que des mirages. Laissez tomber les malheurs pour une fois. Allez, venez, reprenez avec moi. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus serre, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, plus moi, plus lui, Florent, plus nous, ça fait bon peu ça. Plus Prisca, plus Cécile, plus Yves. Ouais, c'est l'équipe de Grand Matin. Plus voilà. Tout le monde, plus voilà. Toute la Réunion. Plus d'autres toutes. Bienvenue à tous. Là. Il est 6h sur la première. C'est l'heure du journal. Florent Marot, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Ils étaient 5000 manifestants réunis hier à Saint-Leu pour dire non à la carrière de bois blanc. Tous, main dans la main, ont exprimé leur inquiétude pour la santé, pour l'écologie également. Thierry Robert était présent. Le député maire de Saint-Leu a parlé de l'enquête publique, du pipeau selon lui. À la une également ce matin, l'incendie à la montagne. Les pompiers viennent de reprendre les opérations. Le dernier foyer proche de la falaise est visible de la route du littoral. Une route partiellement basculée ce matin. Et puis en sport, 800 personnes ont participé hier au 62e relais de Saint-Denis, victoire des copains d'abord. On parlera aussi football avec la 13e journée de D1R, tous les résultats à la fin de cette édition. Paris réussit pour le collectif Touche pas nous troche. Comme l'an dernier, il a réuni hier près de 5000 personnes sur l'ancienne RN1. 5000 personnes pour dire non à la carrière de bois blanc. Les manifestants ont formé une chaîne humaine entre l'étang Salé et Saint-Leu. Ils voulaient sensibiliser les automobilistes sur la santé des riverains notamment, mais aussi sur les conséquences écologiques. Priscilla Etève était sur place. C'est main dans la main et sur plus de 2 km entre la ravine des Avirons et la ravine du Trou que les habitants de l'étang Salé, les Avirons et Saint-Leu clament leur opposition au projet de carrière à bois blanc. Comme on a d'autres rossières, on rosse ailleurs, pas besoin des graines là. Tout ça, le rosse dans une canne depuis ici jusqu'à Saint-Louis là-bas. Il y a des bois neuf en plein dedans. Moi, je serai concerné par la poussière, par le bruit. En plus, enlever ces roches, c'est mettre en péril la santé des riverains, renchérit Siméon. À raison de 2 tiers de mine par jour, donc ça va faire soulever de la poussière avec tout ce qui contient dans la roche, hein, tous ces métaux lourds là, que va engendrer, je pense, des conséquences graves sur la santé, surtout au niveau des poumons, au niveau des cancers. Cette jeune femme s'inquiète aussi de l'impact environnemental. Regarde le paysage magnifique, comment ça détruit tout ça là. N'aura plus jamais baleine va traverser là parce que la mienne sera polluée avec toute cette carrière. Non, mais il n'est pas d'accord. Les plus petits n'en pensent pas moins. Moi, je veux pas qu'on fasse la carrière parce que sinon, il y aura plus de cailloux. Et on va faire une route et j'aime pas les routes en plus. Il y a déjà une route littorale et que j'ai pas envie qu'il y en ait une autre. Le combat de ces opposants à la carrière de bois blanc est loin d'être terminé. Ils ont jusqu'au 6 octobre prochain pour donner leur avis dans les registres de l'enquête publique. Après ça, on verra, disent-ils. Et s'il faut encore redescendre dans la rue, on redescendra. À présent également hier, Thierry Robert a de nouveau exprimé son opposition à l'exploitation de la carrière de bois blanc. Il est également revenu sur l'enquête publique du pipeau, selon le député maire de Saint-Leu. Il affirme également que les enquêteurs n'auront pas de locaux sur Saint-Leu. Les carrières, le chantier de la nouvelle route du littoral, on en reparlera à 7h15 avec l'invité de la matinale. Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Vanessa Miranville, maire de la Possession et présidente du mouvement citoyen La Réunion en Action. Les pompiers sont donc de nouveau sur site ce matin. Depuis vendredi, lutte contre un important incendie à la montagne. 70 hectares de végétation sont déjà partis en fumée. À l'heure actuelle, un seul point chaud n'est pas maîtrisé. Un foyer proche de la falaise est difficile d'accès. A priori, pas de risque pour les habitations, mais la route du littoral est partiellement basculée. Les précisions du commandant Patrick Ramassamy du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours. En début d'après-midi, on était en situation favorable puisque plusieurs points chauds ont été traités par des moyens terrestres. Suite à une reconnaissance, on a un point chaud qui se situe en falaise, d'où le gros problème du basculement qui malheureusement est maintenu puisque on a quand même un risque potentiel de chute de pierre. Sur le site, le point chaud se situe à peu près à 15 mètres par rapport au plateau qui est au sommet, et il est vrai que l'hélicoptère ne peut pas larguer d'eau sur cette falaise. Et on va engager quand même des moyens terrestres, des équipes spécialisées pour pouvoir atteindre ce foyer au moyen de jets d'eau. Vu la dangerosité du site, les moyens seront engagés à 6 heures et un point de situation sera fait vers midi pour voir où ça en est, si la route du littoral reviendra en mode normal. Le commandant Patrick Ramassamy du SDIS, interrogé par Céline Roland, on l'a entendu. Les opérations ont repris à 6 heures ce matin. La route du littoral est basculée entre la Grande Chaloupe et Saint-Denis. Vous avez deux voies actuellement pour venir sur le chef-lieu. Dans le reste de l'actualité, c'est désormais une tradition. Le mois d'octobre est consacré à la lutte contre le cancer du sein, l'occasion de se faire dépister. Chaque année, 300 réunionnaises se font diagnostiquer un cancer du sein, mais il se guérit s'il est détecté tôt. Le dépistage est donc primordial. Confirmation avec Léopoldine Setama, la présidente de la Ligue contre le cancer à La Réunion. C'est le fait de ne pas y aller qui va soit aggraver, soit bien faire en sorte que les femmes ne seront pas prises à temps. Lorsque c'est dépisté à temps, la prise en charge médicamenteuse est beaucoup plus efficace et on a toutes les chances donc de guérir de ce cancer. On n'en meurt pas si le cancer est pris à temps. Pendant cette période-là, nous sensibilisons les femmes sur la nécessité donc de réaliser une mammographie à l'âge de 50 ans. Il y a d'ailleurs donc des convocations pour réaliser cet examen. La démarche n'est pas habituelle parce que ça touche à la maladie et forcément ça fait peur. Léopoldine Setama, la présidente de la Ligue contre le cancer à La Réunion, interrogée par Aurélie Constant. Aux assises, le bourreau du petit Kélan, 2 ans, sera jugé à partir de demain. Stéphane Bocage avait frappé l'enfant pendant des mois à Saint-Joseph. Il a reconnu les faits, mais affirme que la mère était au courant. Aujourd'hui, la cour examine une affaire de viol sur conjoint. Verdict dans la journée. 6h06 sur la première, la suite du journal. Florent Marot. C'est devenu une habitude. Des contrôles ont été organisés ce week-end sur les routes. 176 infractions ont été relevées, dont 125 excès de vitesse. 13 permis ont été retirés. Les motards de l'escadron départemental de sécurité routière ont également intercepté 19 personnes qui téléphonaient au volant et 18 qui conduisaient avec de l'alcool dans le sang. On reste sur la route. Le réseau Carjaune a 20 ans, un réseau plus moderne aujourd'hui. On est quand même passé du car courant d'air au bus équipé de Wi-Fi et de port USB. Hier, pour marquer cet anniversaire, le Conseil Général a organisé au Jardin de l'État une grande animation autour de l'histoire du réseau. Un car courant d'air, mais aussi un bus à étage dernière génération était sur place. Un bus à Impérial qui est encore en phase de test. Cédric Tazerout, membre du groupement de transporteurs qui gère le réseau Carjaune. La première étape qui était l'exploitabilité du véhicule sur les lignes s'est avérée concluante. Il y a une seule chose qui n'a pas encore été testée, c'est une situation réelle, c'est-à-dire avec prise et dépose de voyageurs, contrôle, etc. Parce que ce véhicule emmène d'autres contraintes qu'on ne retrouve pas sur les autres véhicules, notamment le fait qu'il y ait un étage, qu'il faille monter par des escaliers, etc., qui font que ça apporte des contraintes supplémentaires. Donc il faut appréhender pour le réseau Carjaune avant de pouvoir dire qu'on pourra le mettre en exploitation. Pour l'instant, on est encore en phase de test et l'idée, ce serait de le mobiliser sur des pics de fréquentation, dans des zones où on frôle ou des fois on atteint la saturation du réseau, et donc ce véhicule avec sa capacité d'emport plus importante permettrait d'absorber le flux de voyageurs. Cédric Tazerout, responsable d'exploitation au micro Réunion Première de Lisourdel. On passe au sport avec d'abord le 62e relais de Saint-Denis. Plus de 800 coureurs s'étaient inscrits pour 6 km en plein centre-ville avec le départ et l'arrivée devant l'hôtel de ville. Dans la course des As, c'est l'équipe Les Copains d'abord du club de la montagne qui s'est imposée. L'équipe devance l'Entente du Grand Sud et l'équipe Run Oxygène. Mais le relais de Saint-Denis, ce sont aussi de belles histoires. Il y a celle, par exemple, des Sachou Boys et des Sachou Girls. Il s'agissait pour Ludovic et son épouse de courir en hommage à leur fils Sacha, disparu il y a 3 ans, un père qui a mené son équipe à la victoire lors de la 3e course et qui était évidemment ému à l'arrivée. Je suis fier de mon équipe, c'est un bel hommage envers notre enfant et voilà, ça fait la troisième année qu'on le fait et j'espère que ça continuera jusqu'à qu'on peut le faire et l'année prochaine, espérons qu'on fera aussi bien que cette année. Donc voilà, le cœur est toujours aussi lourd, mais voilà, on est obligé de vivre avec. Mais bon, c'est bel hommage et merci à la mairie de Saint-Denis pour nous donner la chance de pouvoir faire des petits hommages comme ça à travers notre petit garçon parce que c'est pas évident de le vivre chaque jour pour nous et au moins, bon, on l'oublie pas, voilà. En football, fin hier de la 13e journée de D1R, la petite île a battu la Capricorne 3-0, 0-0 entre le SDFA et les Marsouins de Saint-Leu. Score nul et vierge également dans la rencontre Saint-Denis FC AS Sainte-Suzanne. Samedi, la Sainte-Marienne s'est imposée 3-1 sur le terrain de la Saint-Pauloise. Sainte-Marie qui revient à un point du leader Saint-Pierrois. Les Cigognes sont actuellement aux Seychelles pour la Coupe des clubs champions. Saint-Pierre affronte aujourd'hui les Mauriciens du cercle de Joachin. Coup d'envoi à 17h. C'est la fin de ce journal local. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Le président colombien reconnaît la victoire du non au référendum censé valider l'accord de paix avec les FARC. Un peu plus de 50% de la population l'a rejeté. Une énorme surprise et une claque pour le gouvernement. Le cessez-le-feu n'est pas remis en cause, assure le chef de l'État. Le responsable des guérilleros assure lui aussi qu'il veut toujours la paix. Mais ce résultat risque de plonger le pays dans l'incertitude. Le président assurait ne pas avoir de plan B en cas d'échec pour ce référendum. Autre vote en Hongrie, le référendum anti-migrants est invalidé car c'est l'abstention qui remporte le scrutin. 98% des électeurs pourtant ont voté pour la politique du Premier ministre, très opposé aux réfugiés, mais seulement 39% des inscrits se sont déplacés et la loi hongroise exige au moins 50% de participation pour valider un référendum. C'est donc un revers pour Viktor Orban, le Premier ministre. Un pays de plus ratifie l'accord de Paris sur le climat et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de l'Inde, troisième émetteur mondial de gaz à effet de serre qui vient de signer le document. L'accord est sur le point d'entrer en vigueur puisque l'Union européenne devrait elle aussi le ratifier dans les prochains jours. En Éthiopie, au moins 52 personnes sont mortes dans un mouvement de foule lors d'un festival. Des violences seraient à l'origine de cette immense bousculade. La police aurait ouvert le feu lorsque la manifestation a dégénéré pour protester contre le gouvernement. L'opposition estime que le bilan est bien plus élevé et dépasserait les 100 victimes. Retour en France, c'est le secrétaire d'État à l'industrie en visite à Belfort sur le site d'Alstom aujourd'hui. Il doit venir présenter des propositions pour l'avenir du site. Manuel Valls a promis de le sauver alors que la direction de l'entreprise voulait le fermer d'ici 2 ans. Arnaud Montebourg participera bien à la primaire de la gauche organisée par le Parti Socialiste. L'ancien ministre de François Hollande promet d'en accepter le résultat et de soutenir le vainqueur. Plus tôt dans la journée, le PS a défini le cadre de ce scrutin. Au moins 8000 bureaux de vote seront installés partout en France et 5 candidats sont déjà déclarés. Benoît Hamon, Marie-Noël Lindemann, François de Rugy, Jean-Luc Benamias et donc Arnaud Montebourg. En football, suite et fin de la 8e journée de Ligue 1, Lyon remporte le derby 2-0 face à Saint-Étienne. Les Lyonnais se hissent à la 5e place du championnat. Plus tôt dans l'après-midi, Nice s'était imposé 2-1 contre Lorient et Marseille a fait match nul 1 partout à Angers. Et puis enfin, malgré les incertitudes économiques, les Français restent toujours aussi généreux. Les dons aux grandes associations ont continué de progresser l'an dernier, selon le dernier baromètre du syndicat professionnel France Générosité. Le montant moyen d'un don est de 63 euros. Et les causes les plus plébiscitées sont la protection de l'enfance et la recherche médicale. Il est 6h12 sur la première. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Et Mickaël, l'été va venir nous rendre une petite visite cette semaine. L'atmosphère est déjà un petit peu plus chaude, voire un peu plus humide en ce début de journée, surtout sur l'est, entre Saint-Denis et Saint-Philippe, donc une large partie est de l'île. En passant par Sainte-Rose, on pourrait avoir quelques gouttes qui viendront donc mouiller vos pare-brise et aussi mouiller les chaussées. Et puis de l'autre côté, dans l'ouest et le sud, c'est beaucoup plus agréable, plus dégagé ce matin, avec du soleil dès les premières heures du jour. Cet après-midi, le littoral est va retrouver des éclaircies. Dans les hauts, ça va s'ennuager, surtout dans l'ouest, entre Saint-Paul et Saint-Pierre et le sud-ouest. Les hauteurs seront sous la grisaille et les débordements possibles sur le littoral. Globalement, partout ailleurs, alternance de passages nuageux et d'éclaircies. Température en hausse, donc comme on vous l'a dit, ce matin de 9 à 21 degrés sur le littoral et sur les hauteurs. 9 à la plaine des Cafres, 21 à Saint-Denis. Puis cet après-midi, on ira jusqu'à 29 degrés, 29 à Saint-Gilles, 28 à Saint-Denis et à Saint-Pierre, et la journée la plus chaude de la semaine devrait être mercredi. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Et comment ça se passe sur la route du littoral? C'est la question de ce lundi. La réponse, c'est avec Yves Gruyé. L'inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou, cours de danse, chant, théâtre, www.ismaelaboudou.com. Yves qui est à la Grande Chaloupe. Bonjour Yves. Bonjour Yves. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël. Oui, à la Grande Chaloupe, là où on retrouve les deux voies si vous circulez dans le sens Saint-Denis vers la Possession, et là où la chaussée devient rétrécie, vous basculez sur des voies côté mer si vous circulez en direction de Saint-Denis, ce qui fait que sur la première partie de la corniche en arrivant de la Possession, bah, ça se passe plutôt bien. Et puis, alors bah, attention, il y a quand même des bouchons qui se font à hauteur de l'échangeur de Plateau Caillou hein, sur la fin de la route des Tamarins. C'est déjà bien dense, mais nous sommes lundi et ça c'est du classique. Par contre, c'est la sortie de Saint-Denis déjà bien compliquée puisque vous roulez très mal. Et les bouchons démarrent donc avant la caserne Lambert, après le carrefour avec la route de la montagne, c'est-à-dire qu'on est déjà à près de 2,5 km de bouchons pour atteindre la zone des potences. Entrée dans le canal Bichic, sur lequel vous circulez très mal également pendant au moins 2 km. Donc la vitesse c'était à peu près de 10-12 km/h avant d'avoir une situation un peu plus claire après. Alors donc essayez de respecter les 70 km/h s'il vous plaît dans l'autre sens si vous arrivez sur Saint-Denis, donc ralentissement à hauteur de la caserne Lambert. Un trafic très dense également déjà depuis Saint-André-Sainte-Suzanne en ce moment vers la marine et la montée de Bel Air. Soyez patients, ce sera compliqué aujourd'hui. Donc route du littoral, basculez partiellement, Saint-Denis, Grande Chaloupe. L'inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou, cours de danse, chant, théâtre, www.ismaelaboudou.com. Grand Matin avec Isabelle Waro et Mickaël Lorette. Et salut à Roro par SMS au 70 2000. Salut les amis, pour ceux et celles qui nous rejoignent comme Jessica aussi sur la fanpage. Oui, on vous fait Facebook. Un gros bisou. N'oubliez pas un petit clic, un petit j'aime et ça rapporte gros cette semaine. Ce matin, on en reparlera un petit peu plus tard, mais avant 6h20, 6h22, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va vous offrir de la monnaie. C'est ça, 20 de euros de la thune à mettre dans le portefeuille. Du fric. Début de mois, ça veut dire un peu de fric. Du normalement, pèse sur votre compte, un peu, pas tout le temps beaucoup, mais enfin un peu au moins. C'est ça, il faut. Et puis, on vous rajoute 20 euros à ça. Ouais. Voilà, allez, 20 euros. En bon d'achat, comme ça. Et puis, vous allez dans votre magasin Espace Fraîcheur et vous faites ce que vous voulez. C'est comme ça. Et comment ça se passe? Eh ben, au 99 2000, voilà. Allez, c'est facile. Commencez à appeler. Qu'on les bons, les bons, quoi. Mais qu'on les bons, les bons, même. Jean-Roland Mickaël. Mickaël. Bah, Mickaël est là. Tu peux tout le temps l'appeler Jean-Roland Mickaël. Je sais pas pourquoi, j'ai envie c'est de l'appeler Mickaël. C'est pas Mickaël. C'est comme Mickaël, voilà, ben c'est non. Ça, ouais. Bah non, c'est pas comme Mickaël. Mickaël. Désolé Jean-Roland. Jean-Roland Mickaël. Quand voilà, les bons. C'est mieux. Sur première. Bonne journée. Bien constaté là. Où nous mettre la faille à nous va chanter quand les bons, les bons. T'en es comme ouvre l'ambiance. Allez, viens, fais pète la cadence. On va mettre la gamme dans les doses quand les bons, les bons. Qui aime ces gars, bien constaté à l'art. Pour nous mettre la faille à nous va chanter quand les bons, les bons. Dans un grand mouvement ambiance, allez bien fait mettre la cadence. Nous va mettre la gamme dans les dos quand les bons, les bons. Conspiration, la scie à froid va couler. La fièvre 40 degrés n'a fait monter. La sécurité, tant que la caprine va lever. Soit la fête au village des hommes dans la gare. Tes souliers mettent à terre, bien à quand le savait. Au déguet de ma tante Rita, lui mène la pose pour craser. Tes souliers mettent à terre, bien à quand le savait. Donne les lampes pour bien défouler, maintenant qu'on l'a passé. Tes souliers mettent à terre, bien à quand le savait. Au déguet de ma tante Rita, il mène la pose pour craser. Tes souliers mettent à terre. Bien à quand le savait, donne les noms pour bien défouler, maintenant qu'on l'a passé. Tes souliers mettent à terre, bien à quand le savait. Au déguet de ma tante Rita, lui mène la pose pour craser. Tes souliers mettent à terre. Bien à quand le savait, donne l'élan pour bien défouler, maintenant qu'on l'a passé. Ce qui aime ces gars, bien constaté là, pour nous mettre la faille à nous va chanter quand les bons, les bons. Dans un grand mouvement ambiance, allez bien fait mettre la cadence. Nous va mettre la gamme dans les dos quand les bons, les bons. Ce qui aime ces gars, bien constaté là, pour nous mettre la faille à nous va chanter quand les bons, les bons. Quand vous voulez l'ambiance, allez bien, fais pas de la cadence. va mettre la gamme donc les gosses quand les bons inspiration là si y'a pas de pas couler la fièvre 40 degrés n'a fait monter la secoue après Capine va lever à soit la fête au village des autres dans la carte ses souliers mettent à terre bien la grande le savait. Au ticket de ma tante Rita, lui met la pose pour craser. Ses souliers mettent à terre. Bien à quand le savoir. Jean-Roland Miquel sur la première dans Grand Matin. Vous quand y les bons, les bons. Bah oui, quand les bons, les bons. Alors, vous y êtes bien dans Grand Matin. Eh bien, restez-y. Oui, on est pas. Avec vous jusqu'à 8h. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première. À 5h50, 11h50, 13h50. Et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Envie de booster votre carrière ? Le diplôme universitaire gestion des ressources humaines de l'IAE. Faites évoluer vos compétences et ouvrez-vous de nouvelles perspectives. Une formation courte en cours du soir, à partir de Bac plus 2, DU GRH de l'IAE. Renseignez-vous et candidatez maintenant sur www.iae-reunion.fr. IAE, l'école universitaire de management. Première. Alerte, alerte, alerte, c'est le moment d'appeler 0262 99 2000, parce que c'est maintenant qu'on vous offre vos fruits et vos légumes et 20 euros. Voilà. Chez Espace Fraîcheur. C'est ça, parce qu'en fait, on ne peut pas stocker ni les tomates, les pommes de terre, non. Ni les breads. On n'a pas encore on a la chambre bon froide, on n'a rien. Donc nous, on vous donne le bon d'achat et vous, ensuite, vous débrouillez. C'est ça, vous faites ce que vous voulez. C'est ça. Le plus important, c'est d'avoir les 20 euros en poche. Oui, monsieur, madame. Là, et d'appeler maintenant le 99 2000, parce qu'après, il sera un peu trop tard. C'est ça. Pendant que notre petit ordinateur sélectionne sur l'île, quelle ville on va visiter aujourd'hui ? Ah bah tiens, on a sélectionné Sainte-Marie. Allons-nous visiter. On va visiter Sainte-Marie. Allez. Alors, parmi les Saintes-Mariens, à qui va-t-on maintenant donner la primeur ? C'est une Sainte-Marienne. Eh bah, une Sainte-Marienne. Bonjour Agnèle. Pourquoi pas ? Coucou Agnèle. Comment ça va Agnèle ? Ça va bien. Vous connaissez, mais elle n'est pas tout seul aujourd'hui. Oui, alors. Bien avec Michael. Voilà. Grands oiseaux. Elle travaille dans l'éducation nationale, Agnèle. Vous faites quoi dans l'éducation nationale ? Je fais quoi ? Je travaille dans le bureau. Dans les bureaux. Mais c'est bien, c'est important, Agnèle. Bah oui, il faut des administratives. Bien sûr. Et oui, voilà. Effectivement. Et alors, premier passage à l'antenne, Agnèle, aujourd'hui ? Oui, effectivement, premier passage à l'antenne. Enfin ! Première radio première. Oh là là ! On est content, Agnèle, que ce soit dans le Grand Matin. Effectivement. Hein ? Effectivement, moi aussi, je suis content de passer sur votre radio. Chouette. Merci. J'écoute tous les jours. Eh ben, c'est super. Bien, merci d'être avec nous, Agnèle. On espère que maintenant, vous allez nous appeler plus souvent. J'espère. C'est promis, hein ? Ah, c'est sûr. Bon, Agnèle, on vous offre votre bon d'achat à valoir dans les magasins Espace Fraîcheur d'une valeur de 20 euros. C'est pour vous, ma chérie. Super. Gros bisous, bisous Agnèle. Bisous. Bisous à vous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir, ma première. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Prisca, Prisca, Prisca. Ça bourdonne, Prisca. Oups, allô ? C'est mieux, c'est là. Est-ce que là, ça va mieux ? C'est bien. Parfait. C'est bien, Prisca. C'est mieux, parce que c'est vrai qu'on est dans cette zone d'activité commerciale qui est située à Saint-Pierre. Il y a beaucoup, beaucoup de mouvements, vous entendez, derrière. Donc, je me suis décalée. Ça se trouve juste à côté du marché de Gros. Ouais. On est avec Laura et son équipe. Bonjour, Laura. Bonjour La Réunion. Bonjour Laura. Bonjour votre équipe. Quand ça va tomber derrière là, en train de capoter. Monsieur, c'est bon. Monsieur l'a fait tomber la caisse de pastèque là. Et il paye. C'est bon. Tout va bien. Alors Laura, qui c'est qui y a ce matin ? Alors j'ai ma collègue Manuela. Ça fait cher la caisse. J'ai mes collègues Fabrice, Gilbert, Jean-René, Cédric. À quelle heure vous prenez votre service vous ? 3h. À quelle heure tu lèves ? 2h30. Vous avez entendu là les amis, il y en a qui se réveillent plus tôt que nous. Hein. C'est ça. Et c'est jusqu'à quelle heure la journée ? Vous avez beaucoup de courage. Bon, moi jusqu'à 15h. Oh là là. Comment est-ce que vous faites ? D'habitude après. Hein. Donc là, combien de kilos de courgettes vous faites une vente depuis 3h du matin là ? Voilà, un peu avec un paquet. C'est exact, je sais pas. Mm. Et ça va être la fête au brocoli. Alors pour ceux qui n'aiment pas le brocoli, tant pis. Vous allez manger des aubergines. Peut-être que j'en ai vu, il y en a plein dans votre chambre froide derrière, Laura. Ça, c'est calé un peu en fait. Ça fait de... J'ai pas senti du tout d'aubergine moi depuis ce matin. Ouais, donc du coup, personne ne veut plus acheter l'aubergine. Oh non. Pour bon marché, ça. Combien ça coûte en gros le kilo ? 1,50. Ah, ouais, c'est pas cher. Vous avez vendu le plus depuis ce matin, Laura? C'est des oignons, l'ail, carottes. Ouais. Comment ça se fait que l'ail est cher comme ça en ce moment? Je sais pas si vous avez remarqué, les amis, mais oui. 1 kilo d'ail, c'est 7 ouais. euros, voire... Ouais. Ben, ça dépend hein, si on a de la chance. En tout cas, pour le pays, c'est entre 15, 20, voire 25 euros. Ça fait c'est cher, c'est sûr. Qu'est-ce qui justifie ces prix élevés, Laura? Laura, elle ne connaît pas, moi. Il n'y en a pas beaucoup? Il n'y en a plus beaucoup? En fait, elle ne veut pas s'avancer. Oui, c'est ça. Laura, qu'est-ce qui se passe pour l'ail? Je sais pas, un manque d'ail sur le marché. Certainement, hein. C'est ça. Cette histoire de conteneur qui coûte très cher à l'arrivée, c'est quoi ça, Laura? Change le prix. Vous avez déjà entendu parler de cette histoire? Non. Non, Laura, on va lancer l'enquête. On va lancer l'enquête en direct sur Réunion Première. Prisca Investigation. Exactement. Et on pourrait faire une émission avec Mickaël. Pourquoi pas, sur les marchés. Sur les marchés. Caméra, viens avec nous le matin. Allez, je note, Prisca. On l'a fait. À la recherche du meilleur prix. Voilà. À la recherche du meilleur prix, Laura, ça vous plaît? Et on va prendre Laura comme actrice. Eh ben oui, pourquoi pas, Laura, enchantée. Oui, Manuela. Ah, Manuela, vous voulez jouer avec nous? Non, elle n'est pas une grande actrice. On va vous coacher, Manuela. On est les meilleurs coachs. Bon, ben, vous essayez de les convaincre. Bon, monte à l'équipe. Oui, bah oui. Les bons. On a le temps. Puis on vous en parle demain. Salut, Prisca. Tout à l'heure dans la Coljac avec Jackie Revel à 8h30. À tout à l'heure. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. On passe à l'économie. Et faire du business éthique, c'est possible, Michael. Un jeune Guadeloupéen diplômé de Sciences Po s'est lancé avec un ami ivoirien dans un projet dans le nord de la Côte d'Ivoire. Un projet agricole autour de la noix de cajou, avec comme objectif d'aider la population à développer l'économie locale. La chronique éco, Tessa Gromagne. J'ai fait mes collèges et lycées à Marie-Galante, en fait, et j'ai vécu là-bas parmi les plus belles années de ma vie. Ainsi parle Ismaël Ouélé, 26 ans, moitié guadeloupéen, moitié sénégalais et ancien étudiant à Sciences Po Paris. C'est dans cette école qu'il a rencontré Ange Boyou, d'origine ivoirienne, avec lequel il se lance dans le projet Koumen il y a 3 ans. Un projet agricole pour développer l'industrie de la noix de cajou à Doropo, une commune située tout au nord de la Côte d'Ivoire. Le pays produit 20% des noix de cajou, mais seuls 6% de la production locale est transformée sur place. Le reste part en Inde et au Vietnam. Ange et Ismaël veulent construire une usine de décorticage des noix et développer l'apiculture pour polliniser les arbres à fruits, ce qui permettrait de fabriquer notamment de l'huile, des jus de fruits et du miel. Objectif, soutenir le développement local, pas comme une ONG, mais pas non plus comme une entreprise capitaliste. Ange Boyou. Le but, c'est pas d'être des requins et de faire n'importe quoi, mais on peut établir des activités économiques qui sont rentables, qui apportent du développement, sans avoir besoin de procéder uniquement par le mode de subvention. Ce que je veux dire, c'est qu'à travers cette activité, on peut avoir du chiffre d'affaires, on peut être profitable, et ces profits peuvent être réinvestis à l'intérieur des zones, à l'intérieur de la communauté, pour générer plus d'activités. Il est important et nécessaire que l'activité économique soit indépendante, qu'elle ne dépende pas par cycle régulier d'appels extérieurs, et qu'elle puisse être installée et se porter par elle-même. Vous l'aurez compris, derrière Koumen se cache un projet de commerce éthique loin de l'esprit des multinationales étrangères qui exploitent les matières premières en Afrique. Koumen, c'est aussi le projet de soutenir les femmes qui représentent 70% de la masse salariale dans le secteur agricole de la noix de cajou. Ismaël Ouélé. Les pousser à s'organiser, les bancariser tout simplement, c'est un moyen très simple de donner l'autonomie aux femmes, c'est de les bancariser et qu'elles soient maîtres de leurs revenus. Et ça pourra être un moyen de développement significatif, le plus significatif et le plus rapide et le plus fort qu'on puisse avoir. Ismaël et Ange ont réussi à lever 400 000 euros de promesses d'investissement auprès d'un business angel français. Il leur faudrait 300 000 euros de plus pour faire vivre leur projet. Plus tard, Ismaël aimerait aussi aider sa sœur et son projet agricole à Marie-Galante. La chronique éco, c'est tous les jours, 6h25. Puis le marché, hein, vous le retrouverez aussi demain, hein, vous inquiétez pas. Mais oui, on est tous les jours sur le marché parce qu'on veut vous montrer qu'il y a des bons produits pays, il faut aller les acheter sur le marché. C'est ça, il y a même d'autres marmailles. Hein. Dans un instant, c'est l'actu à 6h30. Ici la Dante Thomas avec Miss California. Yeah. rich girl from the top of the food chain. Loving material things, kinda lonely, till I met her at the Grammys. 10 mil on a diamond ring. She invites me to spend a day on the jet skis. At first it didn't mean a thing. Then she told me I'm the one that she searched for. It was hard to believe. She's the one that's from California, hottest thing in West LA. House down by the water, sails to the yacht across the bay. Drives a Maranello, Hollywood's her favorite scene. Loves to be surrounded superstars that know her name. Days she had me a bracelet made from Harry Winston's place. Went horseback up to the mountaintop, showing me the land she's got. Well, it's alright, something else is on your mind. Looking past all the on adore ses souvenirs sur la première de Grand Matin. Dante Thomas, Isa, t'as dansé dessus, hein, à un ah moment ouais, ou un mais autre. T'as chanté aussi dessus. Un moment, ouais, ça fait un moment. Hein. Miss California, c'était avant les années 2000. Ouais, c'est mieux quoi. Allez, on rejoint Yves. Allez, c'est parti. L'inforoute vous est offerte par QTEC, machine à boire Réunion. Et vous êtes caserne Lambert. Depuis le bar à choix maintenant, donc on est à 3,5 km de bouchon, plus toute la descente U2, c'est-à-dire le pont Vinsan qui est également encombré avec des grosses difficultés déjà sur la sortie ouest de ce boulevard sud, boulevard Jean Jaurès, en direction de la Grande Chaloupe. La circulation a basculé avec une seule voie en direction de ce secteur Grande Chaloupe. J'ai pu voir en revenant donc les deux zones de fumée au niveau du virage du gouffre. Et pour l'anecdote, ça se passe entre la ravine Janneton et la ravine Pouillou. Ça ne s'invente pas, mais c'est comme ça. Donc c'est à cet endroit que les pompiers vont devoir intervenir encore aujourd'hui en descendant par les cordes, donc des cordistes. Attention, gros bouchon avec plateau caillou toujours, ça ne change pas, mais un véhicule est en panne au niveau de la voie de ralentissement, donc la voie lente qui se situe juste après le tunnel du Cap Plaussé. Attention si vous circulez en direction de Saint-Paul. L'inforoute vous a été offerte par QTEC, machine à boire Réunion. 6h30 sur la première. C'est l'heure du journal. Cécile Thomas, bonjour. Bonjour à tous. Un arbre pour se souvenir du passage de Latifa Ibn Ziaten. Il a été planté devant la grotte des premiers Français à Saint-Paul hier lors d'un pique-nique. On pouvait échanger avec elle, qui incarne aujourd'hui la lutte contre le terrorisme en France. Le feu court toujours le long de la falaise au-dessus de la route du littoral ce matin. Les pompiers sont sur place et la montagne, depuis vendredi, 70 hectares de végétation sont partis en fumée. Thierry Robert, dans la manifestation contre la carrière de bois blanc hier, le maire de Saint-Leu ne veut plus des commissaires enquêteurs sur le projet dans sa commune. Nous l'entendrons. Et puis 800 coureurs dans les rues de Saint-Denis. Hier, c'était le traditionnel relais de la ville. Il réunissait comme chaque année des coureurs confirmés et des amateurs. Elle sillonne donc la France pour délivrer un message de paix et parler de son expérience. Le 11 mars 2012, Mohamed Merah lui a pris son fils et depuis, Latifa Ibn Ziaten est l'une des figures de la lutte contre le terrorisme en France. Elle est actuellement dans Lille à l'invitation du collectif Partage pour la paix. Hier, elle a participé à un grand pique-nique à l'occasion de la journée de la non-violence. Une centaine de personnes étaient réunies pour l'occasion à la grotte des premiers Français. Reportage Olivier de la Richaudie. Vous me touchez énormément, merci énormément. Merci. Elle est comme Nelson Mandela, Samia n'a pas peur des mots. Cela fait plusieurs mois qu'elle suit le parcours de Latifa Ibn Ziaten. La Sainte Marienne lui a même apporté un soutien financier pour son prochain film. On la suit sur les réseaux sociaux, elle a une association qui promulgue en fait la paix, la laïcité, les valeurs de la République. Elle essaie de déradicaliser les jeunes dans les prisons, dans les lycées. Un message de tolérance largement relayé par Jacques Delpech, ce professeur d'histoire-géographie s'appuie sur les témoignages de Latifa Ibn Ziaten pour aborder l'histoire des religions et la géopolitique. C'est une entrée en matière qui me semble très proche des jeunes. Ouais. Ça les touche profondément de savoir qu'elle a dépassé son émotion pour essayer de construire quelque chose. Et après, on peut approfondir la question et réfléchir aux grands problèmes du monde d'aujourd'hui. Pour Latifa Ibn Ziaten, la Réunion porte-t-elle aussi dans son ADN un message fort. Voilà pourquoi elle aimerait inviter des jeunes réunionnais à témoigner dans l'Hexagone. Les gens, ils n'ont pas peur de l'autre, je sens ça. Les gens, ils viennent facilement, ils partagent leur opinion. Et ça manque. Et c'est pour ça que je voulais montrer à notre jeunesse de l'Hexagone et si... C'est quoi la Réunion ? Latifa Ibn Ziaten qui laissera quoi qu'il arrive l'empreinte de son passage dans l'île grâce à son arbre de la paix, un pied de poule planté hier sur le site de la grotte des premiers Français. Olivier de la Richaudière. Si vous voulez vous aussi rencontrer Latifa Ibn Ziaten, rendez-vous à 14h à l'ancienne gare ferroviaire de Sainte-Suzanne. Une série d'animations et d'échanges y sont programmés aujourd'hui. Les flammes étaient bien visibles de nuit. Ne vous laissez pas distraire si vous roulez sur la route du littoral. Depuis vendredi, les pompiers combattent un feu à la montagne. 70 hectares de végétation sont partis en fumée ce week-end. Sur les 3 départs de feu constatés, un foyer persiste. Aucune maison n'est menacée, mais cet incendie en bord de falaise de la route du littoral a forcé la direction des routes à prendre des mesures de basculement qui sont encore en vigueur ce matin sur la route en contrebas. Le point avec Karl Sivat. C'est un véritable combat que livrent les pompiers face à cet incendie, a priori d'origine volontaire, puisque plusieurs foyers ont été observés suite à une reconnaissance aérienne. La force du vent a considérablement gêné la progression des équipes déployées durant tout leur week-end, équipes renforcées par les hélicoptères bombardiers d'eau qui ont multiplié les rotations. Hier, on parlait de maîtrise, voire d'espoir de pouvoir circonscrire l'incendie, mais c'était sans compter sans des éléments et un foyer qui persiste. L'une des conséquences de ce foyer qui se trouve proche de la falaise de la route du littoral est donc le basculement opéré dès samedi soir avec une circulation par mesure de sécurité sur les voies de la chaussée côté mer entre Saint-Denis et la Grande Chaloupe. Dès le lever du jour, des moyens spécialisés seront mis en œuvre avec probablement des hommes du grimpe et des pompiers cordistes pour tenter de venir à bout de ce foyer en espérant que le vent soit le plus nul que possible. Hier, une quarantaine de pompiers étaient sur zone. Une reconnaissance aérienne est prévue en ce début de matinée pour évaluer la menace et adapter les moyens en conséquence. Et l'une de nos équipes sera auprès des pompiers ce matin. Nous ferons un point en direct avec Jean-Régis Ramsamy dans notre édition de 7h. Prudence et patience sur la route ce matin. Vous avez entendu Yves Gruyer. Déjà beaucoup de monde à la sortie de la route du littoral côté Saint-Denis. Il y a du monde aussi ailleurs dans la ville. Une chaîne humaine pour dire non à la carrière de bois blanc. 5000 manifestants, le collectif Touche pas nous troche a su mobiliser hier encore à Saint-Leu entre la ravine des Avirons et la ravine du Trou sur l'ancienne route nationale 1. En ce moment, une enquête publique recueille les avis des riverains sur ce projet. Touche pas nous troche espère bien peser dans le débat. Le maire de Saint-Leu, Thierry Robert, était à la manifestation. Il le rappelle, pour lui, l'enjeu pour le groupement d'entreprise, c'est d'avoir le monopole en privilégiant la SCPR et sa carrière. Ne souhaite plus non plus accueillir les commissaires enquêteurs à Saint-Leu. On l'écoute. Aujourd'hui, c'est on se bat parce que je veux avoir ma carrière à moi pour avoir le monopole sur l'approvisionnement en matériaux à l'île de la Réunion. C'est les enjeux financiers qui aujourd'hui priment sur tout. Il y a accusation de collusion entre les enquêteurs et les dirigeants de la SCPR. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'enquête publique est pipée. Et à partir de mercredi, les enquêteurs doivent être à Saint-Leu. À Saint-Leu, ils n'auront plus de locaux pour pouvoir continuer cette enquête qui, pour moi, est du pipeau. Quand il y aura quelque chose de totalement transparent, l'enquête pourra redémarrer. En tout état de cause, en tant que maire de Saint-Leu, je m'y oppose à cette enquête qui, aujourd'hui, ne tient plus la route. Thierry Robert, le maire de Saint-Leu, au micro de Laurent Pirotte. Les carrières, il en sera question ce lundi. Sur Réunion Première, l'invité de la matinale, Vanessa Miranville, la maire de La Possession, répondra aux questions de Philippe Dornier dès 7h15. Et puis ce soir à 18h15, Jean-Pierre Marchaud d'Europe Écologie Les Verts sera l'invité de Devant la Réunion, l'émission politique de la rédaction. Il répondra aux questions de Gaël Le Dantec. 6h37 sur La Première, la suite du journal, Cécile Thomas. Près de 300 cancers du sein sont dépistés chaque année à La Réunion. Un cancer qui tue en France 12 000 femmes tous les ans, malgré les dépistages et la prévention. On en parle ce mois-ci, cet octobre rose, un mois consacré à cette maladie pour communiquer sur le dépistage, les risques, tout ce que l'on peut savoir sur ce mal. Aurélie Constant. Avec plus de 53 000 cas détectés par an en France, le cancer du sein est le cancer le plus répandu chez les femmes. Une femme sur 10 serait concernée par cette maladie au cours de sa vie, quel que soit son âge. Même si le risque est plus important à partir de 50 ans, chaque année des campagnes de dépistage sont organisées pour détecter le plus tôt possible la maladie, car il faut savoir que s'il est pris à temps, le cancer du sein se guérit dans 85% des cas. Une bonne hygiène de vie permet d'éloigner les risques. Les femmes qui pratiquent une activité physique régulière diminuent le risque de contracter la maladie de 20 à 30%. Pour autant, près de 12 000 personnes en décèdent chaque année. Et à La Réunion, tous les ans, 300 cas de cancer du sein sont diagnostiqués. Aurélie Constant. C'est une expérience glaçante, mais qui fait du bien, paraît-il. Un centre de cryothérapie s'installe à La Possession et ce week-end, il ouvrait ses portes pour faire découvrir ce soin hors du commun. On se met en sous-vêtements et on entre dans une cabine à moins 90 degrés pour 3 minutes. Un froid sec qui saisit et vous revigore. Il doit déclencher des réactions anti-inflammatoires et hormonales. Les effets sont intéressants, notamment pour les malades atteints de sclérose en plaques. Des effets qui intéressent aussi les sportifs de haut niveau. D'ailleurs, Jérôme Daval, le directeur par intérim du CREPS, envisage sérieusement d'y emmener les pensionnaires des Pôles Espoir. Il y a plein de domaines, ça peut être de la prévention, hein. Voilà, ne pas attendre d'être blessé pour venir récupérer de séances un peu difficiles. Ça peut être aussi la réathlétisation. Donc on va travailler, je pense, avec l'équipe médicale qui suit les jeunes pour voir s'il y a un intérêt et comment on peut le faire. En sachant que ça s'adressera probablement pas aux 160, parce que c'est pas non plus quelque chose, c'est quand même quelque chose de très particulier, voilà, et qui demande d'y réfléchir en tout cas, et je pense qu'il y a un intérêt. Oui, en termes de coût, ça vous semble raisonnable? C'est pas un problème d'argent, c'est un problème d'efficacité. Investir de l'argent, c'est pas encore trop le problème si ça produit de la performance et de l'amélioration de l'entraînement. Jérôme Daval interrogé par Olivier de la Richaudière, côté argent tout de même, comptez 59 euros pour une séance de cryothérapie. C'est peut-être un soin qui fait rêver certains coureurs du dimanche qui ont participé hier au 62e relais de la ville de Saint-Denis. Le parcours faisait cette année un peu moins de 6 km en centre-ville, répartis entre 10 coureurs. Ils étaient 800 au départ des 5 courses programmées. Dans la course des As, c'est l'équipe Les Copains d'abord du Club de la Montagne qui a enlevé la victoire. Mais pour nombreux participants, pas de podium, juste de la bonne humeur et de la joie de participer. Maintenant, le sport a une place importante dans la vie, je dirais. Le sport, c'est la santé. En même temps, c'est l'occasion de participer à une manifestation de la ville. L'envie de faire quelque chose ensemble, de s'amuser, peut-être d'arriver pas dernier. Ça fait mal aux poumons. Je me rends compte que ma bronchite n'était pas guérie avant de faire ça. Non, mais c'est super. Très belle ambiance entre collègues, c'est super. Déjà, nous les différents, parce que nous, c'est des équipes de la ville. Et quelque part, il y a peut-être à nous un échange, un partage entre les responsables et les collaborateurs qui travaillent sur le terrain. Donc il permet à nous de rencontrer à nous dans un autre cadre que le cadre professionnel. Dans notre équipe, donc, il y avait des représentants d'un petit peu tous les quartiers de la ville. Donc ça permet de se retrouver, de créer une unité entre les quartiers, entre les territoires. Déjà, c'est de faire participer toutes les femmes et les hommes qui restent un peu à la maison de temps en temps. Donc on participe. Des participants au 62e relais de la ville de Saint-Denis, interrogés par Pascal Taillamé. Bravo à tous et à toutes qui ont couru hier. Tout est courageux. Cette journée du 62e relais de Saint-Denis. Merci Cécile, merci, à tout à l'heure. Pour les unes de la presse. 6h41 sur la première. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. De l'énergie, le soleil devra faire avec les nuages, Michael. Et même avec quelques petites averses qui tombent actuellement sur le Piton Sainte-Rose. Ailleurs, les éclaircies vont revenir sur l'est du département et sur la région de Sainte-Marie. Partout ailleurs, dans l'ouest et le sud, c'est déjà un ciel bien clément qui vous attend en ces premières heures du jour avec du soleil qui va s'imposer une bonne partie de la matinée. Cet après-midi, ça va se couvrir sur les hauteurs, principalement sur les hauts de Saint-Paul à Saint-Pierre. Donc le Tampon, les Macs ou encore la région de la Chaloupe-Saint-Leu devrait être sous la grisaille avec pourquoi pas une ou deux gouttes. Partout ailleurs, alternance de passages nuageux et d'éclaircies avec du vent qui va souffler entre Saint-Gilles et le port, 50-55 km/h et puis sur la plaine des Cafres avec quelques petites rafales de 40 km/h pour rafraîchir l'atmosphère qui sera plutôt chaude cet après-midi puisqu'on ira jusqu'à 29 degrés sur les plages, il fera 15 au volcan et 23 au tampon et dans le cirque de Sillaos. C'est la journée la plus chaude à nouveau. Ça sera mercredi avec des conditions quasiment estivales. T'es promis, hein? On va confirmer ça, tu bien l'as sûr, dit dans les depuis prochaines bon matin heures. 5 heures. Je l'ai dit même depuis la semaine dernière. Alors en plus. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Ça prend la direction de l'échangeur Pasteur. Bah oui, ça bouge, Mickaël. L'Inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou, cours de danse, chant, théâtre, www.ismaelaboudou.com. C'est à vous, Yves. Le bouchon démarre même bien avant l'échangeur Pasteur. La jonction a été faite avec toute la traversée du Barachois. On dépasse les 4,5 km, mais on pourra atteindre la zone des Potences. C'est quasiment entre l'allée Bonnier et le boulevard Océan pour le début des bouchons arrivant de l'Est, avec des difficultés également. Attention avant le carrefour de Bellepierre si vous descendez vers U2, donc c'est-à-dire la partie ouest du boulevard Jean Jaurès, à proximité d'ailleurs de l'hôpital d'enfance. C'est là où démarrent déjà les zones perturbées pour partir vers la route littorale, de la jonction, donc à hauteur de du tunnel. Et puis ensuite, c'est difficile, très compliqué pour atteindre la zone des potences. Une fois atteint la potence, il vous faut un quart d'heure pour arriver à la grande chaloupe, là où vous retrouvez les deux voies de circulation normales. Donc attention, gros bouchon, grosse galère avec toujours ce feu de falaise et des cordistes, des pompiers doivent descendre au niveau de ce massif du virage du gouffre. Voilà, la circulation donc en provenance de l'ouest se fait avec ralentissement sous le tunnel du Cap Bernard à l'entrée du chef-lieu, même un petit peu avant maintenant. Le véhicule qui était en panne juste à la sortie du tunnel du Cap, là où c'est reparti il y a 3 minutes à peu près, et le bouchon démarre juste à la sortie de ce tunnel, donc pour descendre vers le Saint-Paul. Donc soyez patients à ce niveau. Très bonne route, gros courage ce matin. L'inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou, cours de danse, chant, théâtre, www.ismaelaboudou.com. Grand matin avec Isabelle Waron et Mickaël Lerette. DJ Fou sort de ce corps. À chaque fois, tu lui dis, il faut que tu partes après ton truc des mix. Il veut pas, il va en régie. Il mixe encore un peu, là, comme à l'instant. Et c'est son kiff, là, ça, les gens du lundi. Il aime ça, il a bien raison. Ouais, et sur les routes, et les réseaux sociaux notamment, vous avez poussé votre coup de gueule, forcément, avec cette route du littoral basculée. Encore aujourd'hui, il va falloir s'armer de patience. Exact. Donc, patience, on est avec vous. Avant 7h, on aura l'appel réveil, matin. Et puis, on ira cette fois-ci du côté d'une caravane. Oui. Une caravane pour les malades des 10. Exactement. Les dysfonctionnements. Alors, vous comprendrez ce que c'est, dyslexie, dyspraxie. Dysphasie. On en parlera avec Jean-Claude Toison. C'est ça. Parce que, on est quand même plus nombreux qu'on le pense à être touchés. 10% des enfants scolarisés. Exactement. Ouais. Et souvent, peut-être que votre enfant est touché, mais vous ne le savez pas. Oui, voilà. Échanger des lettres. C'est ça. Confondre des formes. Tout ça, ça peut vous arriver. Et justement, la caravane est là. Pour ça, elle va sillonner l'île pour vous faire sensibiliser. Exactement, à ce genre ça démarre de troubles. Aujourd'hui jusqu'à lundi prochain. On en parlera donc avant 7h, c'est promis. Et puis d'ici là, le litchi, il est de retour. Lui, il a passé un bon week-end. Ce matin, Mickaël, on parle d'un vieux rêve, le plus vieux rêve du monde. Le loto. Gagne l'argent. Oui, OT. Beaucoup de Réunionnais ont un rêve commun, gagner au loto ou un jeu de grattage. Du coup, toutes les semaines, de Mouni coche même bas numéro, ils grattent même papier et ils suivent même la course cheval. Quand on est au chômage ou qu'on connaît pertinemment que c'est pas avec un petit contrat à l'Amérique qu'on va acheter un gros loto sport, gagner au loto, ça reste encore le moyen le plus sûr d'être riche. Hashtag perspective d'avenir. C'est vrai qu'avoir des millions d'euros sans effort, c'est hyper tentant. Même si on a plus de chances de faire manger ou pas un requin roche noire que gagner au loto, ou espère quand même. Et de mouner la qualité proche avec cet argent imaginaire, oui. Ah, si j'étais riche. Moi, ma fille, m'y arrête travail, t'es m'a assez souffert comme ma. M'y fait un tour du monde et m'y construit un bébête la case avec piscine. Un grand classique, limite le forme n'a déjà le plan sa case dans un tiroir son commode. Hashtag Jean-Claude Coindin. Mais on en a aussi le généreux. Moi, m'y donnerais quand même une part aux associations, avant profite pour moi. Alors ça, c'est vraiment la phrase la plus hypocrite du monde. Les faciles de donner l'argent qu'on a point. Plus fort qu'un promesse d'un politicien qui présente à les élections. Mais mi pari azote que notre bon Samaritain, tout comme notre politicien, y oublie que les SDF y existent au moment même où ça le chèque les virer sur son compte. N'a aussi forcément haine y précise que l'y donnerait à son famille. Ben oui, pour préparer l'avenir ma maïté. Le meilleur moyen de perdre tout l'argent en moins de 24 heures. Dès que de Moon est au courant qu'on a gagné l'auto, tout y devient de famille là. Ou de cousin au 18e degré les devant haute porte en train de faire vautour. Après, il rôde pour que de Moon y devient fou que ça t'y gagne l'auto. Ça t'y gagne pas géré, tout simplement. Nena 2-3 et calcule à Zot la région Réunion et essaye fait ban grand projet. Moi m'y ouvrez bien parc aquatique ou bien chaîne restaurant. Gère ou RSA avec ou d'allocations gagne pas et l'eau veut gérer 38 millions d'euros. Hashtag Jérôme Kirvel. Moins que ça m'y ferait si m'y t'y gagne l'auto? M'y dirait pas personne. Famille? Quelle famille? Camarade? Quel camarade? Cette la donne à ou un PH au 7 Noël alors que vous allez fonctionner là? Et dormi donc. De mon ira trop le cœur dessus qu'on gagne une affaire. M'y serait gagnant l'auto, m'y disparaîtrait de la circulation. Ou place l'argent quelque part ou quitte la Réunion. Enfin, m'y disait ça, mais à moi, m'y jouait pas, moi. Pourquoi? Mamaï, un gris loto, il coûte 2 euros. Avec 2 gris, m'y pourrait acheter à moi un pain américain. Ou va dire à moi que c'est il a un pain américain qu'on peut avoir un caviar si on gagne l'auto. Entre un vrai pain américain et un potentiel caviar, m'y préfère remplir mon estomac avec un affaire des concrets plutôt qu'avec un courant d'air. Ah, ça donne envie de manger un petit américain bouchon là. C'est de circonstance en plus à cette heure-ci sur les routes. Oui, surtout que c'est bien gratiné, effectivement. Ouais, non, mais là ça fait trop long. Letchi, retour 16h50 de ce monsieur. Avec ça David. Sera dans le bon tempo entre 16h et 18h. Réunion première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place? Réunion première vous invite pour Enfants Illois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion ? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion première. Zatien, devinette ? Devinez ! Cosa, les gratuites ? Les zones 5 à couvert VA et Asperazone dans notre pharmacie, il ne peut pas s'en passer, citant tellement les gaillards pour la sécurité de toutes. Alors, comment ça il est? Ben oui, si le petit bac ou en sieve pour traiter ça qui pique, aiguilles, seringues, sang lancette, sac pour contrôle le diabète là. Si vous faites autre soin ou tout seul, et si vous voulez connaître un peu plus comment prothèse à ou sans autre famille, viens voir sidastri.fr. D-A-S-T-R-I, Dastri, ou en sieve, ou tri, et ni ramasse. Allez, ce matin, on va vous voir liker la fanpage de Facebook et puis vous nous envoyez des likes sur 72 000. Oui, pourquoi? Parce que sinon, après, vous pourrez gagner des cadeaux, des invitations pour le cinéma et puis pour aller à l'hôtel, vieux Seb, Silaos, tout ça, c'est que pour vous. Gaëtan Roussel, ce premier bon réveil. On tape demain. Courir à perdre haleine. On est pas au cœur. Sous les étoiles, on nous voit à peine. La nuit chasse les dilemmes. Dis-moi encore que tu m'aimes. Me reviennent, as-tu retrouvé les tiennes? Et si l'on rejouait toutes les scènes, dis-moi encore que tu m'aimes. Le soleil effleure les persiennes, les pluies vont être diluviennes. Sens-tu le parfum que le vent ramène? Dis-moi encore que tu m'aimes. Entends-tu la mécanique? Quand se déroule le générique, et si l'on rejouait toutes les scènes, dis-moi encore que tu m'aimes. Et si l'on modifiait le thème, dis-moi encore que tu m'aimes. Allez les filles! Oula, pas trop dans le rythme quand même, hein. On va revoir ça. Plume dans le canal! Ouais, dis-moi encore que tu m'aimes, Gaëtan Roussel, vendredi, direction Le Vieux Cep, un hôtel 3 étoiles au cœur de Silaos, ouais. À condition de liker la page Facebook ou d'envoyer un SMS au 70 2000. Et ensuite, on sélectionne l'un ou l'une d'entre vous, hein, soit sur Facebook et après, ou par SMS. On vous laisse faire. Bah, pourquoi pas? Vous irez peut-être avec Cécile Thomas à Silaos. Allez. Oh bah ça l'enchante! Ouais, ça, ça a l'air d'enchanter. Pas. Non, il y a peut-être d'autres choses à faire en même temps. Les unes de la presse, on commence avec le quotidien et un avion French Blue qui décolle. Oui, vers une baisse des tarifs, écrit le quotidien, avec la compagnie low cost French Blue qui arrivera dans l'île en juin 2017. Donc c'est la baisse des tarifs de l'aérien, bien sûr. Autre titre, à Saint-Leu, les anticarrières mobilisent toujours. Octroi de mer, l'industrie pays veut être mieux protégée. Escalade au paradis de la grimpe, c'est à la ravine des avirons. Et puis en foot, en Ligue 1, Nice reprend les commandes. La manifestation contre la carrière de bois blanc en une du journal de Lille. 5000 personnes à la chaîne humaine, une mobilisation toujours massive, titre le GIR. Le collectif Touche pas nous troche a réussi à mobiliser autant qu'en 2015 pour dire non au projet de bois blanc. Autre titre, les impôts locaux, les taux flambent et puis en parapente, Saint-Leu vole à l'international. Dans la presse nationale, une question en une d'aujourd'hui en France. Fini les devoirs à la maison, demande le journal. Et si pour réduire les inégalités scolaires, on remplaçait le travail à domicile par des études encadrées en classe? L'idée fait son chemin, dit le journal. Et puis autre titre, ces maires qui refusent d'accueillir des réfugiés. Nicolas Sarkozy en une du Figaro. Son plan pour baisser les impôts et les dépenses. Dans un entretien au Figaro, l'ancien chef de l'État, candidat à la primaire du parti Les Républicains, plaide pour une réduction importante et simultanée de la fiscalité et des dépenses publiques. Autre titre, le pape veut accélérer la béatification du père Hamel. Le sort des réfugiés en une de Libération. Réfugiés, les deux France, titre Libé. D'un côté, des communes qui tentent d'accueillir au mieux les demandeurs d'asile. De l'autre, des localités où la peur a pris le pas sur la raison. Voyage dans un pays déchiré, écrit Libé. Autre titre, après l'attentat de Nice, ce que révèle le dossier d'enquête. Et enfin, du foot en une de L'Équipe ce matin. Avec l'OL qui jubile, les Lyonnais se sont imposés 2-0 face à Saint-Etienne hier en Ligue 1. Nice qui s'est aussi imposé face à Lorient 2-1. Balotelli, star et victime encore pour L'Équipe. Et oui, et puis au PSG, Emery bousculé par ses cadres. Mais ça va effectivement pas très bien au niveau relationnel. Au Paris Saint-Germain, merci Cécile. À tout à l'heure pour l'information 7h avec Florent Marot. Grand matin, l'appel réveil. Ah bah oui, le coq a chanté là. Ah bah c'est le moment de réveiller quelqu'un. Un réunionnais ou une réunionnaise dans l'île. Ce matin, on va parler d'une caravane un peu particulière qui va faire le tour de l'île jusqu'au 10 octobre prochain. Ça sera donc la fin de la caravane. Elle s'arrêtera à Saint-Benoît le 10 octobre sur le site du marché couvert. 10% des enfants scolarisés sont atteints par des troubles. Dyslexie. Vous savez, l'échange de lettres, dyspraxie, donc problème de forme, problème aussi dans l'espace, tous ces troubles, eh bien, ils ont une cause qu'on ne connaît pas forcément, mais surtout, parfois, on a du mal à les dépister. Eh bien, pour sensibiliser la population, pour communiquer avec les parents, et la caravane 10 va partir aujourd'hui d'Elbourg. Eh oui, parce que c'est important d'en parler, au moins ça. Et avec nous, Jean-Claude Toison, président de l'association Dissemblable. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà, on est enfin prêts. Ah bah, ça on sent de la fierté dans la voix là. Ça a été un long parcours pour la mettre en place, mais ça y est. Là, le véhicule, il est prêt, le moteur a chauffé et on décolle d'ici 15 minutes. Et on va sortir de Saint-Benoît et partir effectivement vers Elbourg. C'est une bonne nouvelle, mon cher Jean-Claude. Alors Jean-Claude, les troubles qui peuvent alerter, parce que dyslexie, dyspraxie, tout ça, c'est un peu du charabia pour nous. Quels sont les troubles qui peuvent alerter les parents? Alors, ben, comme je disais, l'enfant, quand il arrive, surtout quand il entre dans la lecture, en ce qui concerne les troubles de la dyslexie, c'est qu'il va faire des confusions et il aura de grosses difficultés à entrer dans la lecture. Donc, ça, c'est une alerte qui pourrait sensibiliser le parent autant que l'enseignant là aussi, puisque ben, après une année passée au CP et que l'enfant n'arrive pas toujours à déchiffrer, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Est-ce que si on ne fait rien, si on ne se rend pas compte de ce trouble, ça peut amener des enfants à se retrouver dans des situations scolaires catastrophiques avant qu'on ne mette un mot sur ce qu'il a, cet enfant? Ah, tout à fait, ben, c'est l'échec scolaire assuré, et je dirais si on fait tout ou rien, on va fabriquer un futur illettré dans un futur proche, là aussi. Toi-même Jean-Claude, tu as un fils qui est au collège et donc il est accompagné et ça fonctionne plutôt bien. Oui, ben il est accompagné d'une AESH là, une assistante de vie qui est avec lui, qui va faire, ben comme lui, il a une dyspraxie visio-spatiale et qui sait pas lire et qui sait pas écrire et qui sait pas faire plein de choses, puisque là aussi il a un trouble de la coordination des gestes. Donc il faut l'accompagner et ça donne quand ça a été dépisté et qu'on met les choses en place autour de ces enfants là. Ça donne des choses qui sont formidables, puisque lui-même, il a 17,62 de moyenne. Ah bah oui, bravo Jean-Claude, voilà. Est-ce que quand cette caravane, ça va permettre aux parents aussi de venir parler, est-ce qu'il y a un tabou autour des 10 ou plutôt une méconnaissance des 10? Alors, je dirais qu'il y a surtout une méconnaissance, et après, des fois, il arrive où que ça engendre effectivement un tabou, surtout quand on cherche à identifier et à mettre un nom dessus, et qu'on signale que l'enfant a un handicap. Et là, pour certains parents, c'est assez compliqué. Ils ont du mal à accepter le handicap. Pour eux, ce n'est pas un handicap au départ. Oui, tout à fait, puisque au départ, quand c'est pas dépisté, on a l'impression que l'enfant est paresseux, que l'enfant veut pas travailler, que l'enfant fait des siennes des fois. Donc on va tout mettre en place comme bon parent, des punitions en place et ça avance pas. Et ça, c'est malheureux, puisque là, on va braquer l'enfant à un moment donné contre nous. Donc, oui. Quand il y a des difficultés à l'école, il faut essayer de comprendre, puisque malheureusement, comme on ne connaît pas que ces troubles-là existent, ben, c'est assez compliqué. Mm-hmm. Donc, il faut absolument se retourner, je pense, vers le médecin scolaire déjà, qui pourrait éventuellement donner un sacré coup de main. La recherche n'a pas beaucoup avancé là-dessus. Alors, ce qui donc est dommage hein, que les parents ne reconnaissent pas le handicap de leur enfant, c'est qu'ils peuvent quand même bénéficier en plus des aides pour handicapés. C'est pour ça que d'ailleurs, vous aurez sur la caravane un intervenant MDPH. Hein. Et puis, il y aura plusieurs intervenants aussi, Jean-Claude, plusieurs autres intervenants. Voilà, tous les jours, on va essayer, et là, je lance un appel aussi en même temps, d'avoir des professionnels de santé à nos côtés pour qu'ils puissent répondre à des questions un peu plus technique, puisque moi je suis un simple parent comme n'importe qui. Fort de notre expérience, on voudrait la partager et surtout essayer d'aider les parents qui savent pas où aller ou quoi faire et pour pouvoir réussir justement, pour pouvoir emmener cet enfant là vers le haut. Et donc cette caravane 10 fera le tour de l'île jusqu'au 10 octobre. On peut avoir plus d'informations notamment sur la page Facebook de l'association 10 Semblable, 10 DYS Semblable derrière, pour donc pourquoi pas venir tout simplement vous rejoindre sur les différents sites de la caravane. Voilà, tout à fait. Donc on va faire aujourd'hui, on sera à Salazie, Elbourg, là-haut. Et jusqu'à après, Saint-Benoît. Voilà, et après on va partir sur Saint-Denis, on sera un peu partout de toute façon. Sur la page Facebook, on a toutes les infos. Voilà, c'est dit Jean-Claude Toison. Merci Jean-Claude. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, à bientôt. L'inforoute vous est offerte par QTEC, machine à boire réunion. Et la circulation est très compliquée sur le Lancastel, Yves. Ben, il n'y a pas que le Lancastel, hein, Isabelle, on est déjà à 5,5 km. Tout le Lancastel plein, en tout cas sur au moins la voie de droite, bientôt la voie de gauche également totalement, depuis la sortie du Butor, la jonction jusqu'au niveau des Potences, ça représente plus de 5,5 km de bouchons actuellement. Il y a maintenant au moins 4 sur le boulevard sud, quasiment sous le tunnel de la tranchée couverte, hein, donc qui part vers l'ouest, toute la descente U2, donc tout ça est très encombré. Donc avec ce basculement de la route du littoral, uniquement donc un basculement partiel, mais ça n'empêche pas les débouchons, hein, que ce soit la moitié ou la totalité. Il y a toujours ces grosses difficultés pour traverser Saint-Denis, et ça sera compliqué au moins jusqu'à 11h ce matin. Attention, ça commence à ralentir doucement également à l'entrée est de Saint-Denis. Pour le moment, ça va surtout jusqu'au plateau de la Marque si vous arrivez de Saint-André. Pas de changement pour la partie ouest, toujours sortie de tunnel du Cap Laoussé. Par contre, sur la route du littoral, si vous arrivez de la Possession, les bouchons se situent juste après la Grande Chaloupe, au niveau de la Ravine à Jacques, jusqu'à Saint-Denis. Et plus le pont Vincennes qui lui est également encombré pour entrer sur Saint-Denis cette fois-ci. Très bonne route, c'est grosse galère ce matin. Perfectivement. L'inforoute vous a été offerte par QTEC, machine à boire réunion. Il est 7h sur la première. Le journal de la rédaction, Florent Marot, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. L'incendie à la montagne n'est toujours pas maîtrisé ce matin. Le dernier foyer proche de la falaise est difficile d'accès. Depuis vendredi, le feu a détruit 70 hectares de végétation. La route du littoral est partiellement basculée. On fera le point en direct dans ce journal. Près de 5000 personnes ont dit non hier à la carrière de bois blanc. Elles ont formé une chaîne humaine entre l'étang Salé et Saint-Leu sur l'ancienne RN1. Une manifestation organisée par le collectif Touche pas nous troche. Et puis en football, D1R, Sainte-Marie est revenue ce week-end à un point du leader Saint-Pierrois, retenu aux Seychelles pour la CCOI. La Coupe des clubs champions qui démarre aujourd'hui pour les Cigognes, ce sera à 17h face à Maurice. Ils sont revenus sur site depuis 6h ce matin. Les pompiers luttent actuellement contre un important incendie à la montagne. Depuis vendredi, 70 hectares de végétation sont partis en fumée. Ce matin, un seul point chaud n'est pas maîtrisé. Un foyer proche de la falaise est difficile d'accès. A priori, pas de risque pour les habitations, mais la route du littoral est partiellement basculée. Nous sommes en direct du PC des pompiers à Saint-Bernard. Jean-Régis Ramsamy, bonjour. Bonjour Florent. Les pompiers ont-ils toujours autant de mal à atteindre le dernier point chaud ?

On passe au sport avec d'abord de la course à pied. Plus de 800 coureurs ont participé hier au 62e relais de Saint-Denis. Près de 6 km en plein centre-ville avec le départ et l'arrivée devant l'hôtel de ville. Dans la course des As, c'est l'équipe Les Copains d'abord du club de la montagne qui s'est imposée. En football, fin hier de la 13e journée de D1R, la Petite Île a battu la Capricorne 3-0. 0-0 entre le SDFA et les Marsouins de Saint-Leu. Score nul et vierge également dans la rencontre Saint-Denis FC AS Sainte-Suzanne. Cela fait 2 points de plus dans l'escarcelle pour Jean-Max Tréport, l'entraîneur de la Sainte-Suzanne. C'est 2 bons points de prix encore, 2 week-ends de suite, hein, vu le niveau de l'adversaire. Où maintenant, on a pêché voilà, techniquement pas mal de déchets techniques, surtout dans les prises de balles, dans les transmissions, où l'adversaire a récupéré pas mal de ballons. Sauf que bon, ils n'ont pas été vraiment dangereux sur ces actions. En première période, qu'on voit, bon, ils ont seulement une frappe cadrée sur 4-5 situations offensives. Et heureusement qu'on a eu la maladresse de l'adversaire. On a été mieux en deuxième période. On a raté pas mal d'occasions, mais après, comme je dis, il fallait faire le bon choix au bon moment. Les garçons ont eu un petit peu cette peur de prendre leurs responsabilités et des initiatives sur ces situations qu'on a eues. Jean-Max Tréport, l'entraîneur de la Sainte-Suzanne, interrogé par Jean-Claude Touahir. Samedi, la Sainte-Marienne s'est imposée 3-1 sur le terrain de la Saint-Pauloise. Sainte-Marie qui revient à 1 point du leader Saint-Pierrois. Les Cigognes sont actuellement aux Seychelles pour la Coupe des clubs champions. Saint-Pierre affronte aujourd'hui les Mauriciens du cercle de Joachim. Coup d'envoi à 17h. C'est la fin de ce journal local. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Et on va ce matin, Thomas Pontillon, en Colombie pour parler de cet accord de paix avec les FARC rejetés dans le pays. C'est un résultat plus qu'inattendu en Colombie. L'accord de paix avec les FARC est rejeté de justesse avec 50,20% des voix. Le chef de l'opposition, partisan du non, annonce qu'il veut contribuer à un nouvel accord et appelle à un grand pacte national. Le président colombien reconnaît la défaite et assure que le vote ne va pas affecter la stabilité du pays. Et le cessez-le-feu sera maintenu, dit-il. Le chef des FARC s'est lui aussi exprimé. Il souhaite conserver la paix. Nous voulons utiliser les mots et non plus les armes, réaffirme-t-il après plus de 50 ans de conflit. Le texte qui prévoyait le retour à la vie civile sans peine de prison pour les guérilleros a visiblement été jugé trop favorable aux rebelles. Autre défaite en Hongrie pour le pouvoir, le référendum anti-migrant est invalidé à cause d'une trop forte abstention. Moins de 50% des Hongrois sont allés voter. Le résultat est donc nul, même si l'écrasante majorité des votants se sont prononcés contre la politique de répartition des réfugiés. Le premier ministre Viktor Orban estime que Bruxelles ne peut pas imposer sa volonté à la Hongrie et refuse de voir un échec dans ce revers électoral. Haïti se prépare à l'arrivée de l'ouragan Matthews. Le président du pays appelle la population à la plus grande prudence alors que des vents allant jusqu'à 230 km/h devraient s'abattre sur l'île dans les prochaines heures. Des trombes d'eau sont également attendues, ce qui fait craindre le pire pour ce pays le plus pauvre des Caraïbes, avec souvent des logements construits de manière très précaire. L'ouragan Matthews devrait également frapper Cuba. Washington a fait évacuer son personnel non essentiel de la prison de Guantanamo. Le pape François s'en prend aux manuels scolaires français. Il les accuse de propager la théorie du genre. Le souverain pontife s'est exprimé devant des journalistes dans son avion et rapporte l'anecdote d'un père effaré lorsque son enfant de 10 ans lui aurait dit vouloir devenir une fille. François dénonce une volonté de changer les mentalités, une colonisation idéologique, selon ses mots. Il entretenait le suspense depuis plusieurs semaines. Arnaud Montebourg se déclare bien candidat à la primaire de la gauche, celle organisée par le Parti Socialiste. Il rejoint donc entre autres Benoît Hamon ou encore François de Rugy et promet de jouer le rassemblement quel que soit le résultat de la primaire en janvier prochain. En football, la 8e journée de Ligue 1 se termine par une victoire lyonnaise dans le derby face à Saint-Étienne. Lyon s'est imposé 2-0 et se hisse ainsi à la 5e place du championnat. Dans les autres rencontres, Nice s'est imposé 2-1 face à Lorient. Et puis match nul 1 partout entre Angers et Marseille. Il est 7h12 sur la première. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Et Mickaël, le soleil est déjà bien présent ce matin. Ouais, alors surtout dans l'ouest et le sud, il est en train de revenir dans l'est en ce moment, donc on aura globalement une belle matinée sur la Réunion. Les nuages vont s'imposer tout de même cet après-midi, un peu plus de grisaille sur les hauteurs, notamment celle de l'ouest, entre Saint-Paul et Saint-Pierre, le Tampon, le Piton, Saint-Leu ou encore la région de Dodane devrait être sous la grisaille, et pourquoi pas quelques débordements sur le littoral, globalement ailleurs, passages nuageux vont alterner avec de belles éclaircies tout de même, avec des températures qui vont remonter. Thermomètre qui affichera 23 degrés à Sillaos, il fera 17 à la plaine des Cafres et 28 degrés à Saint-Denis. La météo avec Sirius Réunion, chauffe-eau solaire, nouvelle génération. On rejoint Yves tout de suite. L'inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou, cours de danse, chant, théâtre, www.ismaelaboudou.com. Yves a deux canons. Oui, alors à deux canons, bah, ça roule plus, ça y est, à deux canons, on a pratiquement la jonction qui va être faite. Alors si on a pris un kilomètre de bouchon tous les quarts d'heure depuis 6h ce matin, là ça va augmenter sérieusement, puisque avec la jonction des embouteillages qui démarre déjà au niveau de la ligne droite de la Jamaïque en provenance de l'Est, donc très peu de temps, parce que là il y a une toute petite zone roulante ici pour passer le pont de passe à Tadurand, mais après ça bloque. Donc avant les Bagnans, hein, donc pour rejoindre le Barachois, avec une circulation qui est en train de se remplir également au niveau de la rue Général de Gaulle, puisque les automobilistes, voyant que ça coince à l'entrée de la route du Lancastel, ont tendance à sortir au Butor pour aller prendre donc cette artère de Saint-Denis. Ça bouche déjà depuis un moment, je vous rappelle, sur toute la sortie ouest du boulevard sud. On est avant maintenant quasiment le tunnel, la tranchée couverte, hein, donc en direction de la route du littoral, donc une grosse galère. Et donc il faudra attendre la fin de matinée, hein, pour que la circulation puisse se résorber sur Saint-Denis. Dans l'autre sens, attention, puisque si vous arrivez de l'ouest, les bouchons démarrent au virage de Ravine à Malheur maintenant, donc près de 2,5 km avant la grande chaloupe. Pas de changement pour la situation sortie fin de la route des Tamarins, donc toujours sortie tunnel du Cap Laoussé. Ça roulait encore entre Grandfond et Boucan pour le moment, en tout cas. Dans le sud, encore à l'abri, et dans l'est également, mais du côté de Saint-Benoît, hein, si vous allez vers l'est. Les difficultés se situent toujours depuis Sainte-Suzanne, hein, pour venir sur Saint-Denis. Donc voilà, c'est pas facile ce matin. L'inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou, cours de danse, chant, théâtre, www.ismaelaboudou.com. Et on parlait des troubles 10 tout à l'heure, troubles dans les gestes, la lecture, la vision spatiale. Vous êtes nombreux à réagir sur la fin de page de Facebook. Exactement. Vraiment, cette maman, Alice. Oui, qui s'appelle Alice et qui a un rendez-vous prochainement pour son petit marmaille. Et si vous avez besoin de renseignements, d'être soutenu, vous aussi, vous n'hésitez pas à joindre cette association. Ça se passe au 06 93 031 306. Si vous avez besoin et bien de parler, de discuter, c'est important aussi. Allez, à suivre Vanessa Miranville qui sera l'invitée de Philippe Dornier. À tout de suite. 10h midi, les experts avec Claude Montagné. Le souci, c'est que je cherche un mode de garde qui me conviendrait. Préférable, assistant maternel à domicile. Vous pouvez passer ma machine sur de l'auto pour connaître ce qu'est le problème. Est-ce qu'il a le droit à un petit enquête? Qu'elle prenne contact avec la CAF. Vraiment, les émissions que vous faites aident beaucoup de personnes. Les experts avec Claude Montagné, du lundi au vendredi de 10h à midi sur Réunion Première. Zatiam devinette? Devinez. Cosa, les gratuites. Les zones 5 à couverte VA et asperazole dans votre pharmacie. Il ne peut pas s'en passer, c'est tant tellement les gaillards pour la sécurité de toutes. Alors, comment ça il est? Ben oui, si le petit bac ou ancien pour traiter ce qui pique, les aiguilles, seringues, sang lancette, sac pour contrôle diabète là. Si vous faites soin ou tout seul, et si vous voulez connaître un peu plus comment prothèse à ou sans autre famille, viens voir sidastri.fr. D-A-S-T-R-I, Dastri, ou ancien, ou tri, et ni ramasse. 7h16. Sur Réunion Première et dans toute la Réunion, c'est l'invité de Grand Matin avec Philippe Dornier. Bonjour Philippe. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Vous vous prêtez à la séance photo en ce moment, vous recevez la présidente du mouvement citoyen La Réunion en Action et la maire de la possession, Vanessa Miranville. Vanessa Miranville, bonjour. Bonjour. Une chaîne humaine d'environ 5000 personnes hier contre la carrière de bois blanc, est-ce que vous en faisiez partie? Non, je n'en faisais pas partie parce que j'ai adopté une position de neutralité sur la carrière des lataniers qui éventuellement est en débat, en tout cas sur la possession. Et voilà, pour respecter cette position de neutralité, je n'y étais pas. En même temps, je comprends tout à fait les inquiétudes de ces riverains et des riverains de la carrière qui concerne la possession sur leur santé, sur l'environnement. Et alors, moi-même... Pourquoi ne pas mouiller le maillot alors, pour le dire? parce que il faut aussi savoir faire la distinction entre les différents rôles qu'on a. Je suis la maire d'une commune qui se retrouve face à un dilemme. Une convention a été signée en 2013 pour que la carrière des Lataniers soit réouverte pour le chantier de la route du littoral. La région s'engageait en contrepartie à financer des équipements de l'ordre de dizaines de millions d'euros pour la commune de La Possession, et notamment une sortie qui permettra aux gens qui vont habiter l'écoquartier cœur de ville de rejoindre directement la route du littoral sans avoir à passer par le centre-ville de la Possession, qui est déjà très, très fortement saturé au niveau voiture. Maintenant, nous attendons d'avoir les résultats de la consultation citoyenne que nous lançons à grande échelle sur la commune pour pouvoir se prononcer. Donc, pendant toute cette période, nous adoptons une position de neutralité où nous n'intervenons pas sur le débat. Nous ne nous exprimons pas en tant qu'élus de la Possession. Ce n'est pas du tout le cas des maires des Avirons et de Saint-Leu qui étaient à la manifestation, eux. Donc, vous l'avez dit, vous souhaitez rester neutre à la Possession. Qu'est-ce que vous pensez de ce positionnement, pour le coup, très ferme de Michel Dennemont et de Thierry Robert? Je le comprends. Si j'étais maire des communes qui les concernent, j'aurais sûrement eu la même réaction. Ils peuvent avoir des intérêts financiers aussi derrière. Ils n'ont pas de convention signée comme La Possession en a. Ils n'ont peut-être pas les difficultés financières que La Possession rencontre. Nous avons une dette qui s'accumule, entre la dette due au sous-préfet Mestri, au consort sous-préfet Mestri, ainsi que la dette due à la démolition et à la reconstruction d'une école. C'est quasiment 30 millions d'euros que la commune de La Possession va devoir trouver pour faire face aux dépenses, on va dire, classiques et obligatoires d'une commune. C'est une situation un peu exceptionnelle. Ce qui est sûr, c'est que le débat dépasse largement le cadre de la NRL. C'est une bataille entre multinationales qui se joue. Thierry Robert en est persuadé. On se bat parce que je veux avoir ma carrière à moi, pour avoir le monopole sur l'approvisionnement en matériaux à l'île de la Réunion. C'est les enjeux financiers qui aujourd'hui priment sur tout. Thierry Robert au micro de Priscilla Etève. Est-ce que ces enjeux financiers qui sont certains, est-ce que ça pollue pas complètement le débat finalement, Vanessa Marie? Bien sûr que ça le pollue, et moi-même je me retrouve dans une situation qui est un vrai dilemme et un vrai déchirement de ne pas savoir comment se sortir de cette situation, de cette convention qui nous lie à la région sans perdre des équipements que nous ne sommes pas en capacité de financer par nous-mêmes. Et surtout, moi, ce qui m'interpelle, et j'ai été interpellée, enfin, notre équipe a été interpellée par les citoyens qui ont participé au débat de cette semaine sur la carrière des Lataniers, c'est le manque d'informations. On est tous, enfin, je reprends le titre d'un média cette semaine, c'était ces cailloux qui nous rendent fous. On ne sait plus qu'est-ce qui est exploitable ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez de cette guerre des roches? Justement, moi, je pense qu'il y a des réponses que l'État, que l'ARS, que la région doivent apporter aux Réunionnais. On est tous dans la dubitative en se demandant quelles sont les carrières qui vont ou ne vont pas être ouvertes, selon qu'elles sont exploitables, pas exploitables, rentables, pas rentables, dangereuses pour la santé et l'environnement ou pas. Quel est l'avenir des andins agricoles? Quel avenir peut-être pour les roches malgaches qui ont disparu, mais est-ce qu'elles vont réapparaître dans le débat? On commence à parler à nouveau de repasser sur un tout viaduc plutôt qu'une partie en digue du côté de La Possession. Enfin, ces interrogations-là sont telles. On est dans un chantier qui est en cours. On voit les premières piles commencer à émerger. On doit avoir des réponses et j'interpelle solennellement ce matin la région, la préfecture, l'ARS. Mais qui a signé cet accord entre la mairie de La Possession et la région? L'ancienne équipe municipale de Roland Robert. Et vous n'aviez pas moyen de vous en défaire? Aucun moyen de s'en défaire, dans la mesure où c'est une compensation qui vient en compensation de cette carrière des Lataniers. Donc si la carrière ne se fait pas, nous n'aurons pas ces équipements. Maintenant, c'est ce qui est écrit. Les accords peuvent aussi évoluer. Et j'en appelle aussi au président de région pour rediscuter cette question-là. Parce que clairement, la mairie de La Possession, la commune de La Possession n'a pas besoin de roches. C'est le chantier de la route du littoral qui en a besoin. Nous avons besoin d'aménagements pour que nos citoyens puissent bien vivre. Justement, pour la carrière des Lataniers, il y a cette consultation citoyenne que vous lancez, mais en fait, de consultation, ce serait plutôt du chantage, d'après le collectif Lataniers Nous de Kerteville, chantage à la hausse d'impôts. Vous mettez ça dans la balance si la région ne finance pas la liaison entre le cœur de ville et la NRL, ce qui se passerait donc si la carrière des Lataniers n'ouvrait pas. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations de chantage? Bah, la question, enfin, c'est une interprétation. Le chantage, c'est quand on a d'autres choix et qu'on n'en présente qu'un à une personne qui n'a pas d'autre solution que de dire oui à cette proposition. Alors justement, elle a une autre solution, il a une autre solution, ce collectif, c'est de faire passer les automobilistes par un pont qui existe déjà à la Ravina Marquet. Il n'y aurait que deux ronds-points à aménager, plus les bretelles d'accès. Et puis le collectif propose d'aménager le site avec sentier, belvédère, parcours de santé. Comment vous la trouvez, cette proposition, finalement? Alors, on l'a entendu, on l'a vu lors des consultations, enfin des deux débats qui ont eu lieu, ils nous l'ont présenté. Nous allons les recevoir pour pouvoir creuser ces deux solutions qu'ils nous proposent. Nous allons en discuter également avec la région, parce que faire des bretelles d'accès à une route à la RN1, c'est forcément la région qui doit valider in fine cette proposition. Et donc nous allons demander son avis à la région sur cette solution et sur l'aménagement du parc. Nous allons aussi voir l'avis des possessionnaires sur cet équipement qui concerne l'ensemble des citoyens de la possession. On parle beaucoup de carrière, de la NRL, beaucoup moins des transports en commun. Quel est son avenir à La Réunion? Il faut privilégier quel mode de déplacement? Le bus, le rail? Alors, je pense qu'il faut privilégier l'ensemble des modes de déplacement alternatifs à la voiture. La route d'État marin, pour prendre cet exemple qu'on connaît tous, a généré 15% de trafic automobile en plus. Les routes appellent les voitures. C'est une course sans fin en avant et droit dans le mur qu'on est en train de lancer à La Réunion. Construire la route du littoral, j'entends parfois certaines personnes dire oui, ça va régler les problèmes d'embouteillage. Non, ça ne va pas les régler, ça va peut-être même les aggraver parce qu'il y aura encore plus de monde qui prendra la route. La question des transports en commun, aujourd'hui à La Réunion, elle est malheureusement vue seulement sous l'angle du bus. Il faut innover. Il faut aller chercher d'autres moyens de transport. Ma vice-présidente au déplacement, donc pour le TCO, qui est aussi mon adjointe à l'aménagement, Madame Lambert, vient d'une mission où elle est allée voir du transport par câble aérien. Et téléphérique, comme il y a des projets dans plusieurs communes, notamment à Saint-Denis. Exactement, c'est une solution innovante. On est sur une île qui a une géographie très accidentée. Concrètement, à la possession, ce serait sur quel secteur? Pour aller à Dodane, par exemple? On a commencé par étudier le téléphérique en milieu urbain. C'est là où il y a le plus de monde, c'est là où il y a le plus d'embouteillages et de besoins de déplacement. Donc on a déjà une préétude qui vient d'être réalisée sur la section entre Cœur de Ville et Moulin-Joly. On est sur le territoire de l'écocité. L'idée, c'est de faire un bouclage avec la ville du port, donc en passant par le rond-point des danseuses et en revenant vers le cœur de ville de la possession. Et donc de regarder si ce bouclage permettrait d'enlever, de désengorger le réseau routier de cette partie de l'ouest de La Réunion. Maintenant, on peut envisager également d'aller vers les Hauts, on peut envisager d'aller vers Saint-Paul, etc. Donc mais forcément, c'est des investissements qui sont importants. C'est une aide peut-être exceptionnelle qu'il faudrait que l'État apporte à la région Réunion, et en tout cas au projet Écocité porté par le TCO, pour que vraiment on puisse aller vers ce transport innovant qui changerait l'image des transports en commun, qui, il faut le dire, à La Réunion, pour l'instant, c'est une image de les gens qui n'ont pas de voiture prennent le transport en commun, les autres prennent leur voiture. Un mot de politique, les primaires se préparent à droite comme à gauche et aussi chez Europe Écologie. Est-ce que vous allez y participer et à laquelle? Alors, moi, je trouve intéressant qu'il y ait des primaires ouvertes à tout le monde, d'ailleurs, parce que c'est un moyen de faire participer le citoyen. Vous savez, je suis attachée à la participation citoyenne, à la démocratie participative. Même si vous êtes abstenu au régional? Je me suis abstenue, je le rappelle, sur le deuxième tour des régionales, avec des raisons très particulières, et je ne suis pas une abstentionniste, on va dire, pure et dure. Je considère que voter doit se faire avec son cœur. On ne peut pas aller à une élection à reculons en se disant « je ne sais pas pour qui voter, je vais voter par défaut ». Alors voilà, là, le vote est trop important pour être fait par défaut. Sur ces trois primaires, est-ce que vous avez du choix qui vous convient? Le problème, c'est qu'on a souvent 5, 6, 7 candidats, sauf qu'on entend parler, notamment dans les grands médias, que des 2, 3 principaux. Il y a déjà des petits et des grands candidats dans les primaires, et ça, c'est vraiment dommage. Ensuite, il y a les grands partis et les petits partis. Alors, est-ce que vous allez participer? Je vous repose la question, parce que vous tournez un petit peu autour du pot. Est-ce que vous allez participer à une primaire? Je n'ai pas encore décidé. Oui, c'est possible que je participe. En tout cas, si je participe, je participerai à toutes les primaires. Parce que, comme je ne fais pas partie de ces partis traditionnels, il n'y a pas de raison que je participe qu'à une seule des primaires. Je pense que je participerai à toutes les primaires. Oui. Même si ça nécessite de signer une charte qui dit qu'on est en adéquation avec les valeurs de tel parti, donc il va falloir signer une charte Vous dites que vous êtes favorable non. à la droite Ah ou... non, sauf dans ce cas-là. C'est le cas. Hein. Ouais. Bon, bah là je n'avais pas cette information-là. Si c'est le cas, bah, dans ce cas-là, je ne participerai pas aux primaires. Je trouve même ça dommage. Même pas celle d'Europe Écologie Les Verts. Même pas, non, pas forcément. Pour le coup, vous pouvez dire que vous partagez les convictions de ce mouvement, non ? Oui, ouais, bah, il faudrait que je vois d'abord quels sont les candidats. C'est vrai que là, c'est aussi une question de personne. C'est-à-dire qu'un président, c'est quelqu'un qui incarne quelque chose et qui doit donner le sentiment aux Français bah, qu'il est capable d'innover, qu'il est capable de changer les choses, de ne pas resservir les mêmes plats qu'on a déjà mangés. Donc voilà, il faudra que je vois quels sont les candidats, éventuellement, oui, celle d'Europe Écologie, pourquoi pas. Le problème, c'est que pour les Verts, les inscriptions sont terminées depuis samedi, il fallait être inscrit et donc vous n'avez pas fait la démarche. Bon bah non, donc du coup je n'y participerai pas. Réaction de Jean-Pierre Marchaud ce soir, le patron des Verts à La Réunion, qui sera l'invité de Gaël Le Dantec devant La Réunion. Merci Vanessa Mirenville d'avoir accepté notre invitation. Bonne journée. Merci, bonne journée. Et vous retrouverez cette interview de Vanessa Mirenville à 13h30 sur Réunion Première. Bon début de journée avec nous. Vous êtes dans Grand Matin, vous y êtes bien, alors restez-y. Au moins jusqu'à 8h, voici Maprine avec l'amour maternel. Et dans un instant, c'est l'inforoute avec Yves Rouillet. Et puis juste derrière, Cécile s'installe pour l'actualité de ce lundi 3 octobre. Bienvenue à tous. Hier matin, par un détour, la rencontre mon ami Marcel. A dit à moi mon premier amour, à tout mon ali mon nouvel. Voilà dit, ça c'est de l'histoire ancienne. Faut pire retourne derrière, les souvenirs y ramènent les belles. L'ombre, l'autre la lumière. D'aller si moi la reste tout seul. Moi elle est toujours la case, mon nom. Moi dans l'amour maternel. Pour moi elle est suffisant. Moi la vie un choix de vie. Donc pour une fille mi souffre à vie. Ça dit pour moi la vie est belle. Avec mon maternel. D'aller si moi la reste tout seul. Moi elle est toujours la case, mon nom. Moi dans l'amour maternel. Pour moi elle est suffisant. Elle a fait un choix de vie, donc pour une fille mi souffre à vie. Ça dit pour moi la vie est belle, avec mon maternel. Ce qu'elle est devenue, non. Pas savoir. Maprine, l'amour maternel, et c'est pas du tout l'amour hein, sur les routes. Hein, en tout cas, en... ça le fait pas du tout. Ouais, c'est pas l'amour entre vous et la route. Ça avec Yves. Ouais. L'inforoute vous est offerte par Qtech, machine à boire Réunion. C'est 16 km, 16 km oui. De bouchons, mais depuis la on roule plus là, Yves. Ouais, enfin, et encore, je compte pas la zone de ralentissement où vous roulez à peu près à 30 et 40 km heure. C'est incroyable. De la marine de Sainte-Suzanne, puisqu'il y a encore des ralentissements avant de monter Bel Air en ce moment. Toute cette zone jusqu'au niveau de le plateau de la Mare, donc c'est à peu près à une moyenne de 30-40 km/h maxi. Et puis après, ben, vous arrivez sur la zone de galère, donc là, les bouchons, que ce soit par le front de mer, que ce soit par le boulevard sud, puisque les bouchons démarrent depuis Champfleury maintenant, donc en direction de la route du littoral, avec des galères également au niveau des carrefours, donc qui traversent ce boulevard Jean Jaurès, avec les automobilistes qui, eux, descendent des hauts de Saint-Denis, donc c'est vraiment pas facile pour tout le monde. Des difficultés également sur l'avenue de la Victoire, la rue Labourdonnais, des difficultés sur la rue Générale de Gaulle, enfin bref, tout ce qui essaye de partir vers l'ouest est très encombré, donc avec cette route du littoral basculée, un basculement partiel, je vous rappelle, jusqu'à la Grande Chaloupe, mais ça n'empêche donc qu'il y a ces bouchons. Alors pourquoi on bascule avec un incendie de falaise? Bah tout simplement parce que le feu de broussaille peut se faire tomber des galets, des petits galets parfois, c'est surtout les petits, mais les petits de quelques centaines de grammes tombant de 200 mètres de haut, ça peut faire de gros dégâts. Donc voilà pourquoi c'est sécurisé que l'on ferme les voies côté montagne actuellement. Et pour le moment, on ne sait pas jusqu'à quand. Sinon, les autres embouteillages n'ont pas évolué. Hein, donc toujours à Vilamalheur sur la route du littoral si vous pouvez venir sur Saint-Denis, avec l'accès sur le boulevard sud également compliqué hein, par le pont Vinsan et également la traversée en direction de Champfleury. Et puis toujours des bouchons depuis Plateau Caillou en ce moment. Ça roule à peu près sur le front de mer de Saint-Paul. L'inforoute vous a été offerte par Qtech, machine à boire Réunion. 7h31 sur la première.

Politique toujours avec cette question, faut-il mettre en place un revenu universel de base? Oui, répondent sans hésitation les membres du mouvement Résistance Égalité 974. Le revenu universel, ce serait une somme comprise entre 500 et 750 euros allouée à chacun d'entre nous sans condition de ressources. Le revenu universel est testé dans plusieurs pays. Des expérimentations ont été notamment menées au Canada et en Inde ou actuellement aux Pays-Bas et en Finlande. Pour expliquer comment ça marche, Résistance Égalité 974 compte sillonner l'île. Les explications d'Amandine Ramaille, elle est membre du mouvement. Dès le mois de décembre 2016, on va mener une caravane, c'est-à-dire qu'on va aller dans les cités à la rencontre de la population pour leur présenter justement l'intérêt du rubis, leur expliquer en quoi ça consiste, quel impact ça aurait sur la vie au quotidien. Et c'est aussi lancer l'appel aux collectivités, que ce soit le département de la Réunion, la région, les municipalités aussi, à se positionner sur ce débat qui justement prend de l'ampleur aussi dans les campagnes électorales aujourd'hui. 51% des Français sont en faveur d'un revenu universel. Donc il ne faut pas sous-estimer cela. Amandine Ramaille, membre de Résistance Égalité 974, répondait à Lise Wourdel. 7h38 sur la première, la suite du journal Cécile Thomas. À Mayotte, cette initiative pour faire du neuf avec du vieux, économiser des sous et éviter le gaspillage. Trois amis ont décidé de lancer le troc vestimentaire. Un vide-grenier où l'on n'achète pas les articles, on les échange. Ce genre de proposition alternative a bien marché à La Réunion. Les trois femmes espèrent que ça va prendre aussi dans l'île aux parfums. Reportage Aurélien Février. Ça pourrait être cool. Genre un truc de fringues spécial, maillot de bain et serviettes. Elles ne perdent pas une minute pour faire avancer leur projet. Elles, ce sont... Moi, je m'appelle Tania Laurence. Moi, c'est Nasma. Et Anna. Les trois femmes sont à l'initiative du projet Troc à Mayotte. Échanger ses vêtements, en récupérer d'autres pour leur donner une deuxième vie. Rien ne se perd avec Tania, Asma et Anna. Place au système d'économie circulaire. Et pour Anna... Cette île, elle a beaucoup de choses à construire, à inventer avec toutes les cultures qui viennent maintenant s'installer sur cette île. Je pense qu'en se tournant vers du tourisme ou une économie plus équitable et plus durable, ça sera que profitable pour cette île. Et pour échanger ses vêtements, rien de plus simple, il suffit de participer aux réunions organisées à raison d'une par mois. Tout ça sans que le facteur argent n'entre en compte. Métania, Asma et Anna ne veulent pas que du troc dans leurs réunions, elles veulent également créer du lien social. C'est pas que un troc de fringues, c'est aussi rencontrer des gens, échanger avec des gens différents, d'endroits et de cultures et de vies différentes. Le premier rendez-vous d'échange, lui, est donc prévu en novembre. D'ici là, pour rester au courant, il y a leur page Facebook Troc à Mayotte. Et comme dirait Tania... Vous repartirez certainement avec des vêtements, avec des copains et surtout avec un large sourire. Un reportage de nos confrères de Mayotte Première. Winter is coming, l'hiver arrive, répètent les personnages de la série à succès Game of Thrones. Connaître le froid d'un hiver très intense, c'est possible à La Réunion, pas pour jouer les Jon Snow, mais pour donner un coup de fouet à votre organisme. C'est un soin qui était proposé aux sportifs de haut niveau. Il est maintenant accessible à tous. Un centre de cryothérapie a ouvert ses portes à la Possession. Vous passez 3 minutes en sous-vêtements dans une cabine à moins 90 degrés. Le froid sec a des vertus utile à certains malades. Reportage Olivier de la Richetti. Vous avez bien mis vos savates, sous gants, le câble, les oreilles sont bien protégées. Juste les sous-vêtements et de quoi recouvrir les extrémités du corps. Voilà les seuls bagages autorisés pour ce voyage express en Arctique. Après 3 minutes à moins 93 degrés Celsius, Sophie nous livre ses impressions. Supportable, je pensais que ça serait plus froid que ça. Je sens que ça cartonne un peu dans les jambes, c'est un peu cartonneux, mais pas plus que ça après. Je suis pas shootée, je suis pas... La cryothérapie corps entier, un service que cette kinésithérapeute pourrait bien proposer à l'avenir à ses patients. Mais on va dire que j'attends de voir sur moi un peu les actions que ça va avoir sur différents trucs, parce que moi j'ai une cicatrice adhérente, une entorse de cheville, donc je me dis que je vais attendre de voir ce que je ressens dans les heures, jours qui arrivent, voir vraiment si je ressens quelque chose ou pas. Car la liste des bénéfices attendus est longue comme le bras, notamment pour l'impact sur les fibres nerveuses et les muscles endoloris. Nathalie est l'une des employées du centre de cryothérapie. C'est presque du vital pour eux, pour les gens qui ont des scléroses en plaques, des fibromyalgies, des polyarthrites, des maladies inflammatoires. Il n'y a aucune étude scientifique qui a été faite, mais voilà, c'est juste le ressenti des gens et ce qui leur arrive, c'est qu'ils diminuent leur traitement et ils espacent en fait leur crise où ils sont vraiment handicapés par leur maladie. Un traitement qui s'adresse aussi aux sportifs de haut niveau en phase de réathlétisation ou encore aux personnes en proie aux troubles du sommeil. Olivier de la Richaudière. Et désolé pour le cryptothérapie, un petit dérapage dans les titres. C'est moins utile. C'est bien de la cryothérapie. C'est moins utile la cryptothérapie. Il faudra chercher dans le dictionnaire, voir si c'est pas. Ça, c'est beaucoup moins thérapeutique. Nous, c'est dans du bois de crypto, merde. Oui, ça fait bien. Voilà. Entre quatre planches. Oh là. Oh, ben, c'est pas gay ce qu'on raconte là. Bon, bonne journée. Voilà. Merci Cécile. Merci à demain. Cécile. Quelle douceur. 7h42 minutes sur la première. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Bon, on va se réchauffer. Hein. Bah oui, le thermomètre grimpe déjà avec le soleil. Oui, déjà plus de 24 degrés au port en ce moment. Il fait 11 à la plaine des Caves, c'est un petit peu plus frais effectivement, mais on est dans les hauts, là, à peu près 1800 mètres d'altitude. Le thermomètre va continuer de monter avec le soleil qui s'impose un peu partout sur l'île. Des nuages vont s'installer tout de même sur les hauteurs de l'ouest entre Saint-Paul et Saint-Pierre cet après-midi. Pourquoi pas quelques débordements nuageux qui pourraient perturber l'ensoleillement sur la côte ouest et sud-ouest. Partout ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies. Le thermomètre ira jusqu'à 29 degrés cet après-midi du côté de Saint-Paul. Il en fera 18 à la plaine des Quatre avec ça, un peu de vent, notamment sur la plaine et donc entre la Possession et Saint-Gilles. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Nouveau point route sur la première. L'inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou, cours de danse, chant, théâtre, www.ismaelaboudou.com. Et vous êtes au verger. On va commencer par les endroits où ça roule, en tout cas pour ce matin, notamment descente du tampon, relativement correct hein, ce matin pour descendre sur Saint-Pierre. Il n'y avait pas trop de difficultés également sur Grandfond. Alors il y a un peu de ralentissement en hauteur de Boucan maintenant, hein, donc si vous avez choisi de rejoindre Saint-Paul par le front de mer de l'ouest entre Saint-Gilles et Saint-Paul, route des plages, la circulation, donc attention, la route du 4 à 7h06, c'est l'heure de pointe, soyez patients au niveau des aigrettes, c'est toujours, alors c'est même un peu après l'échangeur de Plutôt Caillou, ça a tendance à descendre doucement en se rapprochant du viaduc du Bernica pour redescendre sur Saint-Paul, ce sont à peu près les bonnes nouvelles, mais pas, sinon pas de changement pour la route du littoral, toujours virage de Ravine à Malheur, hein, pour vous qui êtes sur la corniche en ce moment en direction de Saint-Denis, ça roule mieux sur le pont Vinsan si vous entrez sur Saint-Denis, donc en provenance de l'ouest, par contre c'est toujours complètement bouché depuis Champfleury pour atteindre ce pont Vinsan et redescendre vers U2 et toujours ce bouchon classique, hein, donc il y a encore un trafic dense au niveau de la marine de Sainte-Suzanne, la montée de Bel-Air. Après, si vous voyez, c'est une zone à peu près entre 30 et 40 km/h avant d'atteindre la zone vraiment bien perturbée dans la ligne droite de la Jamaïque. Et là, jusqu'au niveau des potences, c'est grosse galère. Si vous pouvez différer votre départ en direction de l'ouest, n'hésitez pas à le faire. La route du littoral, on retrouvera les deux voies vers l'ouest. Il y a seulement donc en fin de matinée vers 10h30, logiquement, normalement plus tôt ça devrait être vers 10h30. Voilà, donc à partir de ce moment-là, ça commencera à rouler sans doute mieux sur Saint-Denis, parce que là c'est quand même très difficile pour traverser le chef-lieu. L'inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou, cours de danse, chant, théâtre, www.ismaelaboudou.com. Grand matin avec Isabelle Waro et Mickaël Lorette. Hey DJ, lâche les DJ. Hop. Attends. Allez, petit coup de mix comme ça. On pense à vous. On pense à vous dans vos voitures. On aimerait vraiment pas y être, nous. Donc beaucoup de courage. Il faut bien sûr aller bosser. Et, avec ces bouchons, ça donne pas forcément envie de se lever. Bah, disons que c'est difficile hein, de sortir de Saint-Denis. C'est compliqué hein, pour aller prendre la route du littoral en direction de l'ouest, depuis la ligne de la Jamaïque jusqu'à les Potences, les bouchers. Alors, vous savez ce qu'on va faire ? On va penser au week-end. Le vieux CEP, hôtel 3 étoiles, qui vous accueille au cœur de Sillaos avec sa piscine, en chambre d'eau, petit déjeuner. Ça, c'est peut-être pour vous vendredi, à condition d'envoyer un message sur le 06 92 70 2000 ou alors. Voilà, un petit SMS ou alors un clic, un j'aime, de le like sur la page Facebook de Grand Matin. Ben, et continuez de liker parce qu'on est de plus en plus nombreux sur cette page. On a atteint les 1035 fans, mais on peut aller encore plus loin en likant la page Facebook Grand Matin, GRN, apostrophe, matin. Voilà, et comme c'est une grande famille, la première, on fait un gros bisou à Lucas. Lucas, c'est un petit marmaille, sa maman Sabrina est tous les jours avec nous et son petit marmaille est malade. On vous fait des gros bisous. Espère que Lucas, ça va aller mieux le plus vite possible. Voilà, donc bisous à tout le monde. Salut à Jess, dur la route, grand matin en ce moment. Bonjour Réunion Première, c'est Roxy le routier. Salut Roxy, coucou. Salut aussi à Thérèse, salut aussi à Roro, ils sont tous connectés sur le 70-2000. Et pour notre plus grand bonheur. Merci de nous faire confiance le matin. Loane, tourne sur Première. Dehors, j'ai besoin d'oxygène encore. À la semaine prochaine. si le vent te ramène. J'ai pris froid hier, j'ai attendu des heures entières à marcher sur les toits. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je sais qu'on se reverra avant l'hiver. Pour que tu te souviennes à l'amour, à la haine, des envies d'ailleurs, propager le feu dans les cœurs et courir sur les toits. J'ai tant besoin de toi. Je sais qu'on se reverra avant l'hiver. Tour du monde. Tourne, tourne, tourne, tourne. Chaque seconde. Tourne, tourne, tourne, tourne. Dans Grand Matin. Oh, tourne, tourne, tourne, tourne. Sur Première le matin, c'est super. Et on vous revient dans un instant avec Connect oui. Première. Bouge on pas. Parlera des malheurs de Samsung face à Apple. Oh je peux vous dire qu'ils sont nombreux en ce moment. Hein. Oh là puis là. Il y aura le zapping aussi de Réunion Première oh avec bah plein de choses qui sont passées ce week-end sur notre radio. 8h, 10h, la colle Jacques avec Jackie Revenne. À l'émission des signes de terroir, sac nouillem. Ah ben là, moi les demandes en route à la. Chicken like, on les confit, donne piment, les bons. Radio Ménage. Tu vous l'as vu comment la foi signifie dans le terre. Partagez vos croyances et légendes. Les gens y parlaient avant, maintenant est-ce que les vrais et pas vrais. La colle Jacques avec Jackie Revenne, du lundi au vendredi, de 8h à 10h sur Réunion Première. Réunion Première vous invite pour la nuit étoilée. Une rencontre musicale afro-caribéenne le samedi 8 octobre à partir de 20h30 au parc Expobat de Saint-Paul avec Michael, LJ, Pompis, Marvin, Felicia Ross et plein d'autres artistes. Jouez et gagnez vos invitations en écoutant Réunion Première. Et tentez de gagner vos places pour la soirée VIP du jeudi 6 octobre. Première. Et quand le Galaxy Note fait des siennes, Samsung a beaucoup plus de mal face à Apple. C'est pas possible. Bah, Pascal Rizzo est là pour Connect Première. Aïe, aïe. On revient et puis on vous fait gagner aussi hein, vos places de cinéma pour c'est Radin clair. Dans un instant. Connect Première. Bonjour, on pourrait penser qu'il s'agit d'une blague, eh bien pas du tout, c'est très sérieux. Après les Galaxy Note 7, ce sont les lave-linges de Samsung qui explosent. Aux États-Unis, plusieurs cas ont été recensés, au point qu'une class action a même été lancée dans 3 États américains, car une machine à laver qui explose, ça fait des dégâts dans la pièce. Selon CNN, les autorités américaines mettent en garde les possesseurs de machines construites entre mars 2011 et avril 2016 et conseillent de préférer des vitesses de rotation lentes, notamment lorsqu'on lave des choses lourdes de type des draps. C'est vraiment la loi des séries pour Samsung, dont les déboires font le bonheur d'Apple. La firme américaine s'attendait à une baisse significative de ses ventes d'iPhone cette année, de 10 à 15 millions d'unités en moins par rapport à 2015. Eh bien finalement, il devrait s'en vendre presque autant que l'année dernière, voire seulement 4 millions de moins. Les dégâts sont largement limités. À tel point qu'Apple d'ailleurs ne parvient pas à fournir assez d'iPhone 7, déjà souvent en rupture, avec des délais de livraison de plusieurs semaines. Les déboires du Galaxy Note 7 sont passés par là et du coup, l'iPhone 7 Plus, aux dimensions et aux caractéristiques quasiment identiques, est particulièrement demandé, c'est QFD. Ah bah ça tombe bien pour la firme américaine, c'est aussi le smartphone le plus cher de sa gamme. Et puis le paysage des géants du web va encore évoluer vers plus d'absorption de compagnies moyennement grosses, des compagnies qui traversent pour certaines quelques remous financiers, on a déjà parlé ici du cas de Yahoo, mais aussi de Twitter qui est à vendre, et là c'est carrément Google qui serait sur les rangs, ainsi que la compagnie Disney. On parle même, mais là ce n'est qu'une rumeur, du service d'écoute SoundCloud, le chouchou des artistes indépendants, qui pourrait bien être racheté par Spotify. Des opérations de rachat à suivre, mais la tendance est donc la même, quel que soit le secteur d'activité, médias, musique ou high-tech, même combat, les 5 ou 6 plus gros du secteur rachètent tous les plus petits. Belle journée. Alors, qui a liké la page Facebook Grand Matin en ce jour, cette journée du lundi 3 octobre. Alors déjà, vous pouvez voir les photos de Vanessa Miranville, hein, pour ceux qui sont fans. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook de Grand Matin. Et sinon, alors, qui a liké? On regarde. Ah ouais? Alors? Alors, on fait un coucou notamment à... je suis tombé sur la page et puis j'y suis plus. À Alexis, Benjamin, qui ont liké ce matin. Ils n'étaient pas les seuls à liker. Puisqu'il y avait aussi Vivien, Justin, Alibaba et les 40 voleurs. Christine, Patrice, Jean-François, Uriel aussi est là avec nous. Coucou Uriel et Chérine. Et c'est Chérine qui va repartir avec ses invitations pour aller au cinéma voir le film Radin. Mais que ça t'y affole pas. Hein. Ceux par SMS qui ont envoyé des SMS, je pense à Émilie, également à Martine de Saint-Benoît, à Gérard qui s'allait avec nous. Émilie aussi. Bah oui, Émilie, Adam du Sud. C'est dur dans un embouteillage ce matin, dit Émilie. Tu m'étonnes. Bah oui, on pense à vous. Et évidemment, on ramasse tous les numéros de téléphone, on ramasse tout pour le tirage au sort de vendredi. Bien sûr. À la clé nuit d'hôtel. Où ça? Le vieux Cep. Avec destination Sud Réunion, c'est peut-être pour vous. Vous êtes tous qualifiés, les gars. Donc, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, vous avez une chance de gagner. Oui, ôté. Il suffit de rester où? Bah, dans Grand Matin. Sur la première, tout simplement. Allez, je prends ma télécommande. Ouais. Hop, on va zapper sur samedi, dimanche. Oh là là, on zappe, on se lâche complètement sur la première. Et Jean-Paul Mélade, notre journaliste. Ah, on aime bien Jean-Paul, allez. Et ben lui, Jean-Paul, quand il a un avis, et ben il donne. Allez. Voilà. Et puis sinon, le service des nouveaux mots, ouvert 24 heures sur 24. Allez, top, on zappe, c'est parti. C'est la faute à l'État, auprès de l'État, du travail noir. Ou pas, c'est la faute à l'État. Faire ça au Stade de l'Est. Oui. Bon, moi, mais elle n'est pas fan du tout. Hein, parce que l'acoustique, oh, quelle horreur. Pas vrai. Quelle horreur. Pas vrai. Il y en a des bougues gays. Pas fait le son dans le Stade de l'Est, il y en a des bougues gays fait. Et vous connaissez que ça pour manger, là? Et vous connaissez pas que ça pour manger? Il dit non. Elle dit, garde un coup de terre-bas, de terre-bas. Vous savez, moi, elle vient pas de terre-bas. Un gros tête, les sacs, la peau, la queue, tout. Ben, n'a fait manger, moi, les sacs. Aïe. Mais trop tard. T'es bon. En Chine, on consomme des choses, on s'assoit, chaque chose, ça apporte quoi? Ouais. C'est diététique, la santé. Ouais. Oh là là là là. C'est là où il y a des valeurs, où il y a des principes. Et qui sont encore sur Facebook? non, ben bonhomme, il banait drague à moi trop et il parle pas avec d'autres. Qu'est-ce que ça banait, Joe? Ben, il dit à moi comme ça là, ben, il est une très belle femme, une jolie sourire, il me fait ma connaissance. Oh là là. Réunion première, bonjour, Marie-Hélène du service des nouveaux mots. Oui, bonjour madame, je voudrais un mixeur s'il vous plaît. Tu veux un mixeur? Pourquoi? Tu as des choses à moudre? Ben. Dany, le mixeur il est où? Il y a une auditeur qui en a besoin là. Pour ce film qui est sorti mercredi, Radin, le dernier Danny Mood. Danny Mood, oui. Ben. Ah oui, une petite pourrie, voilà, hop. Danny Boon. Ah oui. Danny Mood. Danny Mood. Ouais, c'est joli Danny Mood aussi. Hein. Danny Mood. Allez, encore une pour Jackie, pour le zapper. Aïe, aïe, aïe, encore. Ça va, t'as passé un bon week-end, Jackie? Salut, super, oui, bien. Bien, bien mangé? Tu manges un bon carré. Ce week-end, quand un camarade de la position là-bas, le chien boit pas d'eau. Bah, t'es dangereux bah. Même. Bah, t'es bien bon. Aujourd'hui, nous quoi, c'est un peu de si bonne pigeon. Si la route, fais comme pigeon, roule cool. Oh là là! Ah, celle-là a été bonne aussi. Ouais, Pascal, c'est fort ce matin, on est fort. Il est pourri aussi, hein? Ouais, c'est ouais. Bien. Bon, ça c'est fait. Il y aura deux chefs de cuisine, Pascal Simard, et il y aura également Nicolas Lépiné, donc l'une des spécialités de leur restaurant. Le pigeon, on en parle entre 8h et 9h, bien sûr, avec Prisca. Il y aura Radio Ménage, il y aura l'astuce pigeon. Du jour. Et puis, croyance et légende, la superstition. Une superstition. Du chat qui coupe la route. Ah bah, vous avez compris, il faut rester là. Voilà. C'est ça. Et fait, puis d'ici ça. Là, nous on se retrouve demain. Mais bon. Salut l'Isabelle, salut la Réunion. Pas facile ce matin, hein, pas facile, hein. John Newman. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. John Newman avec Love Me Again. Bon, allez à fond là. On l'arrête plus, Isabelle. Sinon. C'est pour passer le temps dans les bouchons. Bah oui, c'est ça, il faut. Il faut. On passe sur les routes avec Yves Rouet une dernière fois. Allez, allons. L'inforoute vous est offerte par QTEC, machine à boire Réunion. Alors, il y a des bouchons, sinon il y a de la pluie à Sainte-Suzanne, Yves. Oui, Saint-André-Sainte-Suzanne, c'est mouillé là en ce moment. Ça s'est un peu calmé là sur Sainte-Suzanne, mais il pleut encore en provenance de Saint-André. Donc attention sur la 4 voies, même si vous circulez mieux hein, sur la partie Saint-André-Sainte-Suzanne jusqu'à la Ravine des Chèvres en fait, hein, parce que le bouchon démarre depuis la Ravine des Chèvres et puis bah, c'est total jusqu'au Potence hein, si vous allez sur l'ouest. C'est pas le jour pour aller à la plage aujourd'hui, hein, donc je rappelle, ce n'est pas la peine. Ou alors vous attendez la fin de matinée. Normalement, le déplacement de la chaîne de blocs devrait intervenir aux alentours de 8h30. Si tout se passe bien, vers 9h30, on devrait retrouver les deux voies depuis les Potences pour aller vers la Grande Chaloupe. Donc on peut dire que vers 10h, ça devrait quand même aller un petit peu mieux. On l'espère en tout cas. Pour le moment, en tout cas, la route reste toujours basculée, avec toujours donc ces bouchons pour traverser Saint-Denis, boulevard sud, boulevard nord, donc Lancastel, etc. Mais également les rues du centre-ville qui sont complètement saturées. On peut citer la rue Général de Gaulle, la rue Labourdonnais, par exemple, la descente de la ville de la Victoire. Voilà, ça bouge toujours avant même la ravine à Malheur, donc quasiment un kilomètre après le début de la corniche côté ouest. Par contre, c'est sous la tranchée couverte de Saint-Paul, donc ça va un petit peu mieux à ce niveau. Soyez patients sur la route du littoral.